Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM 107 MHz, RGM Radio Guémouzo, parce qu'on habitait chemin du Guémouzo pendant il y a quelques années. On a changé d'adresse depuis, mais bon, on continue à s'appeler Guémouzo, hein. Voilà. C'est plus gai. Ensuite, le programme de ce soir, le calendrier, bien sûr, c'est le titre de l'émission. Calendrier des esclavages et des libérations. Et puis ensuite, on écoutera un peu Emmanuel Macron, qui nous parlera notamment des vaccins, de la pénurie. Oh, très intéressant, sans doute, hein. Jean-Yann, lui, pour nous changer un peu les idées, il nous raconte la circulation à Rome. Ben oui, sur les radios libres, locales et commerciales, etc., on entend beaucoup, beaucoup d'anglais. Et ben lui, Jean-Yann, il raconte une histoire en latin. Latin, ah oui. Oui, mais du latin qu'on comprend, hein. Oui, oui. Ensuite, nous avons fabriqué Éric Zemmour. Je ne sais plus qui raconte ça, mais c'était une émission de télé que j'ai recopiée, hein, que j'ai enregistrée. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon nous parlera notamment de l'impôt universel. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon encore les salaires, l'école, la police. Trois sujets encore très importants, Hein? L'impôt, les salaires, l'école, la police, c'est important. Il faudra qu'on pense à tout ça lorsqu'on ira voter l'année prochaine, dans quelques mois. Et puis, bon, ben, un peu, ma foi, une petite. Ah ben si, il y aura de la musique. Jean-François Siegel nous parlera de Beethoven et nous fera entendre du Beethoven. Ah oui, avec ses commentaires, toujours très intéressants. Hein? Ah oui. Alors, une petite revue de presse, et puis on en restera là. Le calendrier des esclavages. Eh oui, il y en a eu des esclavages au fil des années, au fil des siècles. Le calendrier des esclavages, mais heureusement, il y a eu aussi des libérations. Donc, c'est le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, est-ce que c'est 50-50? Est-ce qu'il y a eu autant de libérations que d'esclavages ou l'inverse, ou un peu plus, un peu moins? Bon, c'est à vous de voir, hein. 25 octobre. Que s'est-il passé le 25 octobre? Eh bien, le 25 octobre 1831, par exemple, en France, à Lyon, nouvelle entrevue entre le délégué des chefs d'atelier et délégué, élu cette fois, des fabricants. Alors, pendant ce temps, 6 000 canuts défilent en silence devant la préfecture. Quand ils reviennent, 4 heures plus tard, un tarif général, entre guillemets tarif général, vient d'être adopté à l'unanimité. La ville est en joie. 1864, Italie. Congrès des sociétés ouvrières italiennes. Amorce de la création de l'Association internationale des travailleurs. 1870, France. À Marseille, Esquiros lance un appel aux armes. La ville de Valence est désigné comme lieu de rassemblement des volontaires du Midi. 1870, s'il n'y avait pas eu des gens comme Thiers, on aurait évité ce qui s'est passé après la guerre de 1870, c'est-à-dire la perte de trois départements et 800 morts, 800 000 morts, pardon, 830 000, et puis on aurait évité surtout les conséquences de la guerre de 70, c'est-à-dire la guerre de 14, 8 millions de morts, et de la guerre de 39-45, entre 65 et 70 millions de morts, hein. Vous voyez, comme quoi Thiers, qui a beaucoup de rues à son nom en France, il n'a vraiment pas mérité cela, cet honneur. 1896, France. Thiers, c'était une sorte de Pétain avant l'heure, avant la date. 1896, France, à Albi, les verriers de Carmaux inaugurent leur propre verrerie, une verrerie ouvrière qu'ils ont construite au prix d'énormes privations. Elle sera transformée en coopérative ouvrière. 1901, France. Allure. 53 fileuses de l'établissement Ringwald se mettent en grève pour demander le renvoi d'un contremaître grossier à leur égard qui vient de souffleter l'une d'entre elles. 1917, Russie. Création d'un comité révolutionnaire militaire qui sera l'état-major de l'insurrection armée de Saint-Pétersbourg. 1919, Espagne. Le président de la fédération patronale annonce le lock-out dans toutes les industries pour le 3 novembre. 1945, Autriche. Aux premières élections législatives de la Deuxième République, les populistes remportent 85 sièges, les socialistes 76 et les communistes 4. 1945, Kurdes. En Iran, premier congrès du parti marxiste-démocratique du Kurdistan. Il revendique l'autonomie pour les Kurdes. 1946, Japon. Création du congrès japonais des syndicats ouvriers. 1956, Hongrie. Dans la nuit du 24 au 25, les premiers chars soviétiques entrent en Hongrie. Fraternisation, puis tuerie. La révolution éclate en province. Les conseils révolutionnaires se créent, essayant d'associer socialisme et liberté. Socialisme et liberté. 1972, Grèce. Assemblée générale agitée dans les facultés et les grandes écoles d'Athènes. 1974, Chili. Muriel Dockendorff, arrêté, torturé, interné au camp de concentration de Cuatro Alamos, est enlevé. On ne la reverra plus. Avant d'être arrêtée pour la deuxième fois, elle écrit « Adieu camarades ». 1978, Nicaragua. Dans une conférence de presse, Anastasio Somoza affirme « De toute façon, la fête de septembre, tout le monde va devoir la payer. » 1983, Grenade. Des troupes US et quelques soldats de 6 îles des Caraïbes débarquent à Grenade, où un conseil militaire révolutionnaire a pris le pouvoir après un coup d'État. La plus grande nation du monde envahit une des plus faibles, 94 000 habitants. L'ordre US, c'est-à-dire des USA, l'ordre des États-Unis d'Amérique, USA, sera rétabli. Ah oui, ils ont fait régner l'ordre dans le monde pendant 80 et quelques années. 1983, c'est peut-être bientôt terminé. Mais bon, ce sera quoi en échange? Ah oui, ce sera peut-être pire. 1983, Hongrie, manifestation d'étudiants à Budapest, en protestation contre la mise à l'écart du rédacteur en chef du mensuel sociopolitique Mozgó Világ. La faculté de philosophie est fermée provisoirement. 1984, Turquie. Le militant d'extrême gauche Idir Askam, 26 ans, est pendu dans la prison civile de Burdur. C'est le 27e condamné exécuté depuis le coup d'État militaire de septembre 1980. Voilà, nous sommes arrivés en 1984. Malheureusement, mon petit livret s'arrête en 1984. Mais depuis, ça n'est passé des choses, hein. Du positif et du négatif. Alors, voilà une poésie. Adieu camarade. Adieu camarade, ce sera pour toujours et à jamais, ou bien ce ne sera pas. Tu vas partir là où il faut lutter, là où il faut crier, pour que le peuple s'éveille et construise un monde nouveau d'égalité. Adieu camarade, tu ne reviendras pas. Toi et moi, nous le savons. C'est aujourd'hui ton tour, demain peut-être celui de bien d'autres. Quand tu seras parti, tu resteras pour moi un homme de vérité. Tu as donné qui a donné son sang, qui a joué sa vie pour défendre la cause de la liberté. Adieu, camarade. Une vie se termine. Ta vie, comme un exemple, sera l'espoir d'un grand nombre. Adieu, camarade, voici venu l'heure du départ. Ton sacrifice sera-t-il connu? Ce don de toi sera-t-il compris? Mais non, ce n'est pas cela que tu attends. Tu le sais bien, camarade. Et de mon âme en pleurs s'échappe un adieu, signé Muriel Dockendorf. Texte tiré de la brochure d'André Jacques, Un peuple brode sa vie et ses luttes, édité par la CIMADE. Le ministre Olivier Véran dit « J'ai préparé un plan, je vais soumettre au président. » C'est le président qui décide du plan de vaccination. Il faut convaincre les jeunes de se faire vacciner. Qui est-ce qui va sur les réseaux sociaux? Le président en t-shirt va sur les réseaux sociaux. Il est compétent, c'est lui qui doit dire ce qu'il faut penser des vaccins. Il est compétent sur tout. Donc il y a un problème de séparation des pouvoirs. Je trouve même anormal que le conseil scientifique et mon ami Alain Fischer aient été nommés comme représentants du gouvernement, comme conseil du gouvernement. Non, c'est le conseil scientifique de la santé publique, pas du gouvernement. Bah écoutez, professeur Grimaldi, on a commencé ce débat. Je pense qu'il faudrait qu'il se continue pendant toute la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'on mette sur la table un sujet qui est quand même un sujet absolument majeur pour la vie quotidienne. Que Dieu vous écoute. On verra ça. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas. Merci, professeur. Tout de suite, c'est le retour sur Action. Ici, que finalement, un laboratoire qui ment, comme n'importe quelle entreprise qui ment ou qui mentirait dans des relations avec l'administration, il faut qu'il assume ses responsabilités. Nous, on demande, on pose des questions qui sont suffisamment précises, suffisamment détaillées, pour que les chiffres nous paraissent peu manipulables. Et puis il faut quand même qu'il y ait un minimum de confiance, un maximum de confiance, ouais, entre les entreprises et l'administration. Je ne sais pas si les lots ont été purement et simplement retenus pour créer une pénurie artificielle. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, à l'évidence, le marché français aurait pu recevoir davantage de lots. En tout cas, nous aurions pu limiter les situations de pénurie. Et il a fallu de longs mois avant de revenir à une situation qui soit proche de la normale. Aucune poursuite n'a été engagée contre le laboratoire Aspen en France. Les familles des patients décédés ont uniquement porté plainte contre le fabricant du traitement de substitution pour homicide involontaire et administration de substances nuisibles, oui, et contre l'Agence nationale de sécurité du médicament pour défaut d'information. Ça veut dire qu'il y a d'autres patients qui l'ont reçu, en fait, hein, le traitement. Leur avocate, qui a défendu les victimes dans l'affaire du Mediator, déplore une fois de plus, la passivité des autorités sanitaires françaises. C'est quand même hallucinant qu'en termes de santé publique, un laboratoire qui ne respecte pas un délai de livraison dans des conditions aussi évidentes ne se retrouve avec alors non seulement aucune sanction, mais qu'en plus on reste quasiment à attendre bouche bée le bon vouloir de l'intéressé. Enfin, c'est quelque chose qui paraît assez fou. Cette difficulté que l'État a eue à anticiper les décès de Nantes caractérise une carence de l'État. Pour moi, l'État a failli à ses obligations sanitaires. Sous le feu des critiques, les pouvoirs publics multiplient les annonces. La dernière en date nous vient du ministre de l'Économie. Il s'est engagé à relocaliser la fabrication de nos médicaments. La parole est à M. Bruno Le Maire. Les appels à projets pour la relocalisation industrielle sont ouverts. C'est 1 milliard d'euros qui sont sur la table pour toutes les entreprises industrielles qui voudraient créer une nouvelle ligne de production en France plutôt qu'à l'étranger. Pour inciter l'industrie pharmaceutique à fabriquer à nouveau nos médicaments en France, l'État a sorti le carnet de chèques. Des dizaines de millions d'euros pour les premiers élus, dont le laboratoire Séquence, qui a accepté de nous recevoir. C'est ici qu'on va implanter notre nouvelle unité de fabrication de principes actifs hautement actifs. L'État nous aide à l'installation de cette nouvelle unité qui va avoir pour objet de relocaliser en France des antiviraux et des anticancéreux. Et effectivement, ça fait partie des classes thérapeutiques qui sont régulièrement en rupture. Voilà, alors effectivement, les antiviraux, on comprend assez facilement dans le cas de la crise sur le Covid-19, et les anticancéreux sont aussi des molécules qui sont régulièrement en pénurie en France et en Europe. Des principes actifs touchés par les pénuries, mais pas n'importe lesquels. Des molécules innovantes sous brevet, vendus au prix fort. Ici, on ne relocalisera pas les vieux médicaments qui manquent le plus, comme les antibiotiques. Pour le président du syndicat français des fabricants de matières premières, ils ne sont pas assez rentables. On ne rapatriera pas tout. Et à ce jour, il n'y a pas eu de candidat à la rapatriation, enfin, ou à la relocalisation d'un certain nombre de ces antibiotiques. Parce que les prix sont très bas. L'industriel, il c'est avant tout un businessman et il va investir où il aura évidemment le plus de rentabilité. Pour produire ces nouveaux traitements à forte rentabilité, Séquence va bénéficier d'un joli coup de pouce du ministère de l'Économie. Pour l'ensemble de ses sites de production, ce laboratoire va percevoir 13 millions d'euros, soit près de 19% de ses investissements. Est-ce que le fait que ce soit financé par l'État français nous oblige à fournir une certaine quantité à la France et à faire passer la France avant les autres ? Non, on n'a pas ce type de clause dans les conventions d'aide qu'on a avec l'État français. D'accord. Et vous allez en réserver à la France ? Comment ça se passe en fait ? C'est une bonne question, mais non, on n'a pas de... Enfin, nous, on répond à la demande de nos clients. On fabrique sur le sol français, on répond à la demande de nos clients. Mais à ce heure-ci, on n'a pas de quota français prévu sur cette unité. Pas de priorité sur les antiviraux et les anticancéreux produits sur ce site. Malgré le soutien de l'État, Séquence pourra accorder la primeur de ces nouveaux traitements aux patients des pays les plus offrants. Et voilà pour cette enquête signée Julie Lotz et Olivier Broutin. Bonsoir Madame Pannier-Runacher. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, devant votre bureau à Bercy. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie, chargé donc de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi est-on incapable en 2021 de se procurer des médicaments qu'on pouvait encore facilement trouver il y a quelques années ? Le premier phénomène, c'est le fait que beaucoup de brevets sont tombés dans le domaine public et que ça a entraîné un développement des génériques dans des pays à bas coût, en particulier la Chine et l'Inde. Et donc, on a vu partir des productions à bas coût au même moment où, dans les pays occidentaux, les politiques du médicament ont visé à négocier des prix de plus en plus bas sur des spécialités qui étaient considérées comme très banales. Elle vous inquiète, vous, cette, l'aggravation de ces pénuries de médicaments ? Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète à titre personnel ? À titre personnel, évidemment, parce que c'est un enjeu sur lequel nous sommes mobilisés depuis plusieurs années. Comme tout le monde, j'ai été confrontée à ma fille est allergique et l'anapène, par exemple, qui est la piqûre d'adrénaline que vous faites en cas d'un choc anaphylactique, a été difficilement accessible pendant un temps. Donc je crois qu'on est tous concernés et c'est pour ça qu'on s'est saisi du sujet. Pour bien se rendre compte vraiment de l'ampleur de ce problème, je vous propose de regarder cette courbe. On se rend compte qu'en 2010, on était à moins de 100 médicaments qui étaient en rupture ou en pénurie. C'est passé ensuite à environ 400 en 2014 et aujourd'hui on est à 2446 en 2020. C'est vraiment considérable. C'est considérable, mais il faut peut-être retraiter l'effet Covid, parce que la Covid a mis de la désorganisation sur un phénomène de fond qui était en croissance. Si vous me permettez, le Covid, c'est en 2020. Votre majorité est arrivée au pouvoir en 2017. On était à l'époque à 500. On est passé ensuite à 2446. Ça a plus que quadruplé ces quatre dernières années. Donc le Covid a bon dos quelque part. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous voyez que la courbe, elle augmente très fortement à cette période-là. Mais elle a augmenté déjà avant. Est très important pour nous, et c'est pour ça que le gouvernement s'est mobilisé sous l'égide du président de la République dès 2017, puisque nous avons lancé un comité stratégique des industries de santé, constatant qu'on avait perdu la moitié de nos parts de marché industrielles en France. La moitié de nos parts de marché entre 2008 et 2018. Premier constat. Deuxième constat, c'est celui qu'a posé le président de la République lui-même, c'est qu'on a eu une gestion comptable pendant des années du médicament. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai travaillé à l'assistance publique hôpitaux de Paris et on devait négocier d'arrache-pied des enveloppes pour payer nos médicaments et notamment les molécules innovantes. Et on va en sortir de cette vision comptable, justement. C'est ce que nous avons fait en augmentant dans le budget de la loi de finances de sécurité sociale pour la première fois depuis des années la partie qui est réservée au budget des médicaments. Et sur la gestion des stocks, justement, on voit dans notre enquête que des pharmaciens se plaignent du faible stock dans les hôpitaux. On a l'impression que les stocks sont vraiment à sec. Alors, nous avons, suite au rapport du sénateur, passé un décret sur qui prévoit qu'on exige sur des principes thérapeutiques essentiels un minimum de stock de 2 mois, donc c'est un minimum. Et l'ANSM, je vais aller jusqu'au bout, l'Agence nationale de sécurité du médicament, sur les médicaments qui sont les plus en risque de pénurie, peut exiger 4 mois de stock. Mais alors justement, le sénateur nous dit dans notre reportage que c'est de l'enfumage, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait des stocks minimum de 4 mois. On sait qu'en moyenne, les pénuries dans les hôpitaux sont en moyenne de 3 mois et demi. Et pourquoi on n'a pas fait tout simplement une durée de stock minimum de 4 mois ? Je vais vous répondre. C'est pas exact, parce que nous, on l'a fait de manière extrêmement professionnelle et rigoureuse. On a regardé médicament par médicament, préparation par préparation. Il y en a avec lesquels 2 mois passent parfaitement. il y en a où l'ANSM devra exiger plus. Et pourquoi on ne fait pas 4 mois obligatoires? Parce que cela a un coût pour les entreprises, et notamment il y a des PME hein, qui sont aussi concernées, qui doivent faire ces stocks. Et économiquement, c'est pas du tout évident pour ces entreprises de le faire. Il y a une autre explication, c'est que sur certains dispositifs, je pense à certains anticancéreux, vous ne pouvez pas les conserver plus d'un certain temps. Et donc, 4 mois de stock, ça ne marche pas parce que votre médicament, il est obsolète au bout de 3 mois, par pourtant, exemple. Pourtant, il y a d'autres pays comme la Finlande qui imposent une durée de stock minimum de 10 mois. Oui. C'était pas possible en France ? Pas sur toutes les spécialités. Par construction, je vais vous donner un exemple. Les vaccins, vous ne pouvez pas les conserver plus de 6 mois. Donc, évidemment, vous n'avez pas de stock de 10 mois. Sur le problème des délocalisations, on sait qu'il y a 30 ans, environ 80% des principes actifs étaient produits en Europe. Aujourd'hui, la proportion s'est totalement inversée, c'est 80% produits en Inde et en Chine. L'entreprise Séquence a eu la gentillesse de nous ouvrir ses portes. C'est une entreprise qui va relocaliser une partie de sa production. Et Julie Lotz, notre journaliste, pose une question toute bête, assez limpide, au responsable de Séquence. Écoutez. Est-ce que le fait que ce soit financé par l'État français nous oblige à fournir une certaine quantité à la France et à faire passer la France avant les autres? Non, on n'a pas ce type de clause dans les conventions d'aide qu'on a avec l'État français. On n'aurait pas pu rajouter une clause, ça paraît du bon sens, dans le contrat qui lie l'État français à Séquence pour obliger Séquence à fournir prioritairement la France. Non, puisqu'on ne sait pas utiliser ces principes actifs tels qu'ils sont. Il faut les transformer, les mettre dans une galénique, les transformer en médicaments. Le principe actif dont on parle, c'est 20%, non, c'est 5% du médicament. Donc les 95% restants, ils restent à fabriquer et c'est pour ça qu'on a une chaîne qu'il faut recréer. On a aussi parfois, on l'a découvert avec notre documentaire, parfois des pratiques plutôt curieuses des laboratoires. Vous avez vu l'histoire de ce laboratoire Aspen. On découvre qu'il a organisé une fausse pénurie, une pénurie artificielle pour faire chanter les autorités des États européens, dont la France. Moi je suis très heureuse que la Commission européenne soit intervenue sur ce dossier et mené l'enquête. Se soit appuyé sur les travaux de l'Italie, notamment, qui avait relevé un certain nombre d'échanges tout à fait stupéfiants de cynisme. Comment vous qualifiez l'attitude d'Asmet en tant que ministre? Et qu'il soit aujourd'hui sanctionné, puisque le laboratoire a été sanctionné et parce qu'il a dû revoir à la baisse le prix de ses médicaments. Le laboratoire a été sanctionné en Italie, il a écopé d'une amende de 5 millions d'euros. Sanctionné en France puisqu'il a dû baisser son prix du médicament. Comme en France. Comme partout en Europe, mais il n'y a pas eu, les autorités sanitaires françaises n'ont pas sanctionné Aspen. Parce que c'est une enquête qui a été menée à partir de l'Italie, mais qui est menée pour les 27 pays États membres, donc il y a bien eu une intervention. Après, ça c'est un dossier qui a été géré par la précédente mandature, donc et par le ministère de la Santé. Si vous pouvez me permettre, le résultat de l'enquête européenne date de janvier dernier ou février dernier. Tout à fait, mais comme vous le savez, l'Europe, lorsqu'elle est dans ces enquêtes-là, c'est elle qui prend le lead, et s'il avait fallu intervenir, et ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, j'imagine. C'est pas un dossier que je maîtrise. Je suis pas ministre de la Santé et je n'étais pas dans le précédent gouvernement de 2012-2017. Alors, concernant l'histoire de ce laboratoire Aspen, de cette pénurie artificielle de médicaments, on a présenté les résultats de notre enquête à Claudette Kérôme, qui a perdu son mari suite à une rupture de stock. On lui a dit que vous étiez notre invité ce soir et elle a tenu à vous poser une petite question. On l'écoute. Madame la ministre, mon mari a été victime de la pénurie de Melphalan. Je sais maintenant que cette pénurie a été volontairement organisée par un laboratoire qui a fait pression sur les prix. C'est vraiment une pratique révoltante, je ne trouve pas d'autre mot. Suite au documentaire que nous venons de voir, est-ce qu'il sera envisagé des enquêtes complémentaires, voire des poursuites contre ce laboratoire? Alors, d'abord, je veux dire à cette dame que moi aussi, je suis révoltée. Tout ça n'est pas acceptable. Je ne suis pas spécialiste de droit sur ce sujet-là. Mais il ne pourrait pas y avoir une enquête administrative de la France et éventuellement une amende comme il y a eu avant. Mais l'enquête administrative, elle a eu lieu. Est-ce que, je pense, veut cette dame, c'est autre chose. Elle parle d'autre chose. Elle ne parle pas d'amende, elle ne parle pas de baisse de prix. Elle est révoltée parce que, au fond, si effectivement ce qui est présenté, c'est que c'est la raison du décès de son mari, il y a quelque part une forme de mise en danger de la vie d'autrui. Donc, elle est parfaitement légitime à réclamer, je dirais, justice. Peut-être qu'elle souhaiterait aussi une sanction financière. On a regardé, d'après un décompte de France Asso Santé, il y a eu ces trois dernières années seulement 5 sanctions prononcées contre des laboratoires pour des faits de pénurie, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, on est aujourd'hui à plusieurs milliers de pénuries chaque année. Écoutez, moi je vais être très humble, hein. Je suis pas ministre de la Santé, et je peux vous dire en tout cas, parce que au ministère de l'Économie et des Finances, on a pris des sanctions contre des entreprises, contre des petites, contre des grandes, contre Google, pas plus tard que récemment, de plusieurs centaines de millions d'euros parfois. Et donc c'est un sujet sur lequel on est très clair dans notre tête, parce que si vous avez des entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu, pourquoi voulez-vous que les autres se sentent obligés de les respecter? Ça pose un problème majeur. Bien, merci beaucoup, Madame Pannier-Runacher, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et si ça vous intéresse, sachez que nos équipes de data journalistes ont mis en place un formulaire de recherche qui permet de savoir quel traitement et si vos médicaments sont concernés par des pénuries ou des ruptures de stock. C'est en ligne dès ce soir sur le site franceinfo.fr. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un tout autre sujet, un portrait enquête d'une personne, une femme, qui sera peut-être d'ici là officiellement candidate à la présidentielle. Vous savez peut-être de qui il s'agit ? Dites-moi. Il s'agit d'Anne Hidalgo. Merci infiniment à Hugo Planier, à Séverine Lebrun, à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Anthony Forestier à leur réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi, t'es comme moi, t'es vacciné. Tu me diras avec comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi. C'est tellement important. Ben, perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là, hein. Moi, je la comprends. Moi non plus, je ne connais pas ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps, même. Bah, j'avoue, moi aussi, j'hésite, hein. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment, ce vaccin? C'est grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? Ah oui. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés? Tous protégés. C'est l'événement de la rentrée, The Artist, samedi soir à 20h40, en direct sur France 2. Dimani a conquis le public avec un répertoire sombre. C'est une catastrophe. Si nous on est là aujourd'hui, c'est parce que les vieux qui avaient avant mon père, ils ont laissé quelque chose. Découvrez le week-end des champions. Les prévisions de croissance revues à la hausse pour cette année. 6,25%. La croissance s'envole, l'emploi aussi. Et si le quoi qu'il en coûte est désormais terminé, le ministre de l'économie mise encore sur quelques coups de pouce à apporter au crédit d'un président possible candidat. On a déjà... Eh, attends là, tu vas te battre? T'es pas le seul à avoir la rage. Tiens, prends ma bière. Ça, il ne comprendra jamais. Vivre. Désolé. Ici, ce sont des milliers. Il y avait des incendies partout. Des alarmes de voitures qui se déclenchaient. Il est 20h40, la soirée a pris du retard, le stress monte pour Mario. Et je me sens vraiment paniqué. Rosine, pas pour son mari. Apprivoiser le handicap, la paralysie cérébrale, me dit un médecin lors d'un de nos nombreux rendez-vous médicaux. Pendant 6 ans, Valentin est pris en charge. Aussi quelques rares éléments sur son éventuel programme électoral. Benjamin Duhamel a lu les bonnes feuilles pour BFM TV. On est sur un livre qui poursuit le suicide français. Ça se divise en années et en dates, en moments qu'Éric Zemmour veut mettre en avant. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des commentaires sur la vie culturelle qui, selon lui, incarne une forme de déclin, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelques petites propositions. D'un mot, vous me disiez s'il faisait un pas de plus, il y a par exemple au début son fils qui lui dit voilà, le diagnostic tu l'as, maintenant il faut agir. Sur le fond, on retrouve les, allez, on va dire, obsessions marottes d'Éric Zemmour. Regardez par exemple ce qu'il dit sur la Seine-Saint-Denis. Hein, la plupart des cafés sont réservés aux hommes par une loi non écrite mais appliquée avec rigueur. Ces enclaves étrangères, hein, donc la Seine-Saint-Denis, vivent sous le règne d'Allah et des caïds de la drogue. La plupart des cafés, on ne sait pas exactement d'où il sort cela. Peut-être même s'il allait faire le décompte de... C'est une nouvelle fois invité dans le débat, le point sur place à la cour d'assises spéciale de Paris avec Sandra Buisson. La cour abordait les constitutions de partie civile quand il a une nouvelle fois confisqué l'audience. Salah Abdeslam se lève et demande si les victimes en Irak et en Syrie auront la parole dans ce procès. Ensuite, une tirade sur la présomption d'innocence et une tentative de dédouaner 3 de ses co-accusés qui comparaissent pour l'avoir aidé dans sa cavale après les attentats. Ils m'ont rendu service alors qu'ils ne savaient rien du tout, dit-il. Le président tente une nouvelle fois de l'interrompre avant de lui couper le micro, vous avez eu 5 ans pour vous expliquer, lance le magistrat, vous n'avez pas voulu. J'entends que vous vouliez le faire aujourd'hui, mais ce n'est pas le moment. Un rapport de force que le président n'entend pas laisser perdurer et les parties civiles lui en sont reconnaissantes. Écoutez. Il y a effectivement un vrai débat de fond qui se pose et la police de l'audience, on le voit bien, est extrêmement difficile à assurer. Périès conserve une main ferme sur les rênes et donc on a vu essayer de d'endiguer le flux et la logorée de... Je me suis dit, on va bouffer un truc. On va bouffer un merde. Oh putain, il faut la manger. C'est ça, on s'en va. Oui, c'est ça, c'est ça. Le nouvel entraîneur des jeunes de l'OM. Wow. C'est ça, il est... Elle devient beaucoup plus grande. Maintenant, elle prend presque plus de vie. Elle prend plutôt des salades, des pommes, des trucs un peu comme ça. Et à chaque fois que je rentre dans l'enclos, elle vient vers moi, elle me fait des caresses, fait des câlins. En nourrissant Féline jour et nuit au biberon, Hilario a noué des liens exceptionnels avec cet animal sauvage. Pour Marina, ce rétablissement est un bon signe. Ça a été la peur de la perdre au départ, la peur de ne pas savoir faire, mais heureusement, on y est arrivé. Hein. C'est un peu comme une arche de Noé. L'entraide entre animaux et humains. Mais Féline pourra-t-elle retrouver son milieu naturel? Dans quelques jours, une vétérinaire doit venir l'examiner et statuer sur son avenir. Ça va me faire un pincement au cœur si elle part. Dans les Hauts-de-France, à Arras, chez Corinne, Victor et leurs 6 enfants, c'est le jour J. Les papiers pour l'aéroport, c'est fait ? Ouais. Dans quelques heures, toute la coulisse Quentin, le pilote de char est... Non, elle roule vraiment très très bien. Dans mon bureau. Commence pas, papa. Street Fries de McCain, le coup de la street à la maison. pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Il sait qu'il n'a plus le temps de la faire et qu'il va faire un truc bricolé qui coûtera... Techniquement, c'est possible. Bruno, je dis techniquement, c'est possible de faire à la fois la réforme des régimes spéciaux et ce minimum de retraite à 1 000 euros. En finir avec les 1 000 euros, je ne sais pas, je pense que c'est compliqué. Mais en finir avec les régimes spéciaux, ça doit être possible dans le temps qui reste. Mais c'est quand même compliqué parce que je pense que la mauvaise nouvelle dans les derniers mois pour le président, c'est que le MEDEF s'est rangé derrière ceux qui veulent la réforme, mais en septembre 2022, pas maintenant. Ils veulent une réforme complète, ne pas y revenir sans arrêt, donc ils veulent quelque chose de global, et surtout ils veulent pas le désordre, Sophie l'a expliqué, ils veulent pas le désordre maintenant. Le dernier point, et ça c'est plus préoccupant, et ça dit aussi du fonctionnement du président, qui est passé à mon avis en mode candidat à la présidentielle, c'est que maintenant il fonctionne avec son cercle rapproché. Donc il fait de la tactique aussi politique, il bouge en fonction de ce qui se passe, notamment chez les Républicains, qui sont à peu près tous alignés sur l'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier sont à peu près d'accord. Lui, il voit bien qu'il se passe des choses en face, donc il faut bouger. Du coup, ce qui se passe dans les Échos lundi, je peux vous dire que le Premier ministre, ils sont pas au courant. Olivier Véran, n'était pas au courant. Le découvre dans la presse. Donc, donc on est rentré dans une phase éminemment politique. On n'est plus dans la préparation réelle d'une réforme des retraites. Il n'y a plus le temps. Celle qui est à l'Assemblée, elle réapparaîtra pas d'ici la fin du mandat. D'ailleurs, c'est l'une des grandes déceptions sans doute du président, c'est que ce projet de réforme de retraite par points n'a pas été comprise du grand public. Ils n'ont pas été foutus de l'expliquer. Et ça a été un échec. Il a dit lui-même, en se détachant de la réforme systémique, qu'il aurait à la faire aujourd'hui, il ne la ferait pas de la même manière. Ouais. Donc, quelque part, il a fait son mea culpa sur le projet qui était le projet de la campagne présidentielle. Il y a le contenu de cette réforme et l'arbitrage qui sera celui du président dans quelques jours. Et puis, il y a peut-être ce qui le fait hésiter, on en a dit un mot tout à l'heure, et cette confidence rapportée ce matin dans le Parisien du président qui était donc avec ses ministres hier en séminaire gouvernemental. Il a dit, c'est quand on a le sentiment que tout se passe bien qu'il faut être vigilant. Il y a ce climat de tension sociale, puisque vous avez rappelé tout à l'heure, Sophie Fay, que tous les syndicats sont opposés à cette réforme, y compris le MEDEF. Les syndicats, ils ont peur aussi de ce climat social, de quelque chose qu'on ne voit pas pour l'instant du tout, parce qu'on se dit les gens sortent de la crise du Covid et puis ils vont aller directement vers les élections, ils ne vont pas aller dans la rue. Alors, je parle là aussi sous le contrôle de Raymond Soubi, mais j'ai toujours entendu dire qu'il fallait se méfier, que ce n'était pas en plein moment de la crise que les gens se mobilisaient, mais c'était quand on avait le sentiment que ça repartait, qu'on avait une perspective d'avenir qui avait de nouveau de la croissance, on veut la part du gâteau. Alors que quand on est en plein milieu de la crise, en plein confinement, quand vraiment le pays traverse des moments très difficiles, les gens sont dans un mode de survie, de peur, ils ne pensent pas à se mobiliser. Donc effectivement, là, cette période-là, elle est plus délicate. En plus, elle est plus délicate parce que le gouvernement va essayer de retirer un peu le quoi qu'il en coûte. Alors là, il faut voir aussi très concrètement comment il va le retirer. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'aides qui sont en train d'être limitées. Et que on va en parler ce soir, il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi cette croissance, on a entendu ces derniers jours qu'elle était bien meilleure que prévu, plus de 6% l'année prochaine, qu'on n'avait pas vu ça depuis les années 70, on se dit chouette, on va tous avoir... Et on va en parler parce qu'effectivement il y a une tension. Voilà, et ceux qui n'auront pas ça risquent d'être déçus. Alors si en plus du côté des acquis sociaux, parce que c'est le terme qu'on utilise habituellement, on vous les enlève, les fonctionnaires, les agents, le conducteur SNCF, dont aujourd'hui il y a une ouverture à la concurrence, qui est en train de voir son entreprise quand même vraiment changer. Ce sont des entreprises qui ont été fragilisées pendant la crise aussi, il faut le dire. La RATP a perdu beaucoup d'argent parce qu'on a moins circulé. La SNCF, l'État a dû remettre de l'argent parce que là aussi, et puis il y a une véritable inquiétude. Tout ça, ça peut être des terreaux de crispation et de dire, on veut quand même défendre nos acquis sociaux. sociaux, on veut garder ce que l'on a au moins acquis depuis des années. Il y a le label de réformateur, il y a le risque de tension sociale. Est-ce que au milieu de tout ça, il y a posé sur le bureau du président aussi la notion d'économie? On l'a dit très rapidement, c'est vrai que depuis toutes ces années on a réformé les retraites, ce qu'on entendait c'était il faut faire la réforme pour faire des économies. Là on a l'impression que c'est deux mesures qui sont sorties comme ça, et est-ce que le discours d'accompagnement c'est qu'à un moment donné on va quand même regarder les comptes publics et dire eh ben, il faut faire des économies, y compris sur les régimes spéciaux? Il y a deux temps. Il y a la dernière réforme qui a été préparée. À la fin, même si elle n'a pas été votée ni mise en œuvre, à la fin, on était quand même arrivé à une situation où il y avait un accord pour supprimer ces régimes spéciaux avec la clause du grand-père, c'est-à-dire n'appliquant la réforme qu'aux nouveaux entrants. Donc c'est une réforme à minima, ça ne fait pas beaucoup d'économies, mais c'est très structurel. D'accord. Et donc il y a cette idée, peut-être qu'il n'a pas envie de perdre complètement l'acquis de toutes ces journées de grève et de l'appliquer. Bon, enfin bon, ça paraît quand même très fragile. Il y a une deuxième dimension, c'est que quand même cette semaine, il a eu deux rendez-vous importants avec deux personnages qui seront probablement les prochains chanceliers de l'Allemagne, donc soit Armin Laschet, le successeur d'Angela Merkel dans son parti, soit Olaf Scholz, qui est actuellement ministre des Finances. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que la croissance en France, elle repart plus vite que la croissance allemande. En Allemagne, en revanche, l'inflation repart beaucoup plus vite. Donc les Allemands ont envie de normaliser la situation du quoi qu'il en coûte et la situation économique en Europe plus rapidement que nous. Et quand on regarde un peu ce que proposent les uns et les autres pour rétablir l'équilibre des finances publiques un peu rapidement, il y a eu une proposition cette semaine, un rapport de l'OCDE sur l'Italie, et bien tout de suite la question du poids des dépenses de retraite dans les dépenses publiques arrive sur la table. Alors est-ce qu'il a voulu envoyer des gages à l'Allemagne cette semaine en disant bah, vous voyez, je continue à réformer, je continue à chercher des économies, je continue à normaliser la situation de la France? Il y a peut-être une partie de ça dans son discours, mais ce qui fait des économie, c'est pas tant la réforme des régimes spéciaux que de repousser l'âge de départ à la retraite pour tout le monde, et ça, ça mérite quand même une vraie discussion, quoi. Et ça, pour l'instant, c'est absolument pas sur la table dans les 200 jours qui nous restent. Et vous parliez de l'Europe. La Banque Centrale, aujourd'hui, a expliqué, puisque c'était une décision très attendue, qu'elle poursuivrait ses achats d'actifs. C'est-à-dire qu'on continue avec la même stratégie qui est de mettre de l'argent dans la machine, on change pas, parce que ça aurait pu effectivement peut-être précipiter la nécessité de faire une réforme vraiment soumise. Oui, mais en effet, l'essentiel, c'est que l'Allemagne et plus généralement les pays du Nord vont avoir une politique sur leurs dépenses publiques qui risque d'être, comment dirons, plus stricte que la politique française, ce qui peut poser des problèmes à la fois dans l'équilibre européen et dans les rapports entre les pays. Deuxièmement, le pari du ministre de l'économie, tel qu'il le disait déjà il y a un an, c'est de dire nous allons rembourser tout ça parce que l'économie va repartir, et comme l'économie va repartir, il y aura des recettes qui n'étaient pas prévues, et donc, etc. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours optimiste et pour laquelle il insiste beaucoup sur la croissance. Parce que la croissance, ça crée des emplois et ça réduit les déficits. Avec la difficulté qu'il a, lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres en France sont très bons. Bon, oui, ce qu'on dit, on va le voir dans un instant. Au fond, on est, etc. Mais il y a des pays comme les États-Unis où ils étaient très bons il y a deux mois et où ils sont beaucoup moins bons aujourd'hui. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. We'll be right back. cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le potin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagous, elles changeront de doigt. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Que dit-ce, mes salades? Eh ben, avant ça, mes ringardoum, avec toi, me taxi de mes fesses, homme. Oh, minute, homme, pater, écrase, homme. De quoi, me? Répétoum? Aux hommes répétare? Non, mais génare pas répétare, non, mais des fois, me. Obtenare, tu as permission, homme, de conduire arrêt par pistonem ou dans une homme pochette, homme, surprise, homme? Ah, oh, toi, m'interarrêt à la boucle à rhum, hein? Si Nanus descendu, c'est fichu ce coup de pompon dans les michoums. Oh, provocationem. Ah ouais, mon potoum. Pas bougeum. Pas bougeum. Pas bougeum. Refuse arrêt avançam. Refuse arrêt. Cherchoum la bagarum. Oh, tienus, fumus, c'est du beljoum. Du beljoum. Du beljoum. Insultam. Oh, écrasam, eh. Tienus. Va des rétro, Satanas, avec mon boutis par chocoum. Ah. Avenus prévenus, c'est cherchem la bagorum, rentrame dans le lardoum. Non mais tournus pas rendus, oh, ça. Oh, Dieu, fatigam pas les oreillus, hein. Meritare prisonem, grenus d'assassinum. Appel à réflicum. Ah, flicum. Parfaitement plus flicum. Appel à réflicum, de gonflem, des ballonus. Oh. Flicum. Flicum justus banus assomam belmondum, ouais. Oh. Flicum. Agentus. Centurionem! Elle a, quoi discussionem? Quoi s'est passé, Tilum? Agentus témoinem. Ouais. Imbécilum enfoncem par chocoum. Hein? Conduisus comme un manchum. Faisoum exprem. Mais bouchem la rue avec son gros ventroum. Oh, attentionem, répétoum. Gros ventroum. Répétoum. Gros ventroum. Arrachem les oreilles, s'approchem. Ah, non, mais oh, silencem. Obsédum sexualis. Un calmus. Mais comment sam? Reculare, constatem degatum. Ah, panflerum attentionnem, non? Eh ben, flicum plancus ripatonus. Ah. Papyrum. Papyrum. Papyrum. Mésigum. Oui, tésigum, papyrum. Voilà. Cartum grisem. Cartum grisem, voilà. Vignetus. Vignetus, vignetus, voilà. Attestationem assurançam. Attestationem assurançam. Dépêchons. Au minutem cherchem. Attestationem, voilà. Curriculum vitae. Voilà, totus le paquetus. Ouais. Non in reglum. Non in reglum. Vignetum perimem. Oh bah, oubliam. Oubliam, oui. Assurançam non acquitem. Oh, pas gravum. Pas gravum. Contraventionnem. Contraventionnem. Contraventionnem. Alors, M, c'est la meilleure M. Ah, bah, merdoum. Dites chez merdoum. Esgourdam. Quoi dites chez merdoum. Merdoum. Merdoum, merdoum, merdoum, merdoum. Insultam polissem. Mais pas per polissem, per messala. Grossierum avec um gardienus pace. Non, mais explique. Suivam commissariam. Mais... Ah, commissariam, rigolam. Affondus la gueulum. Appel à réflicam et de passer d'arrêt. Postum polissem. Minutem. Mais plaindrum préfectus polissem, pas ponus. Sui décorem les jeunibus d'honorem. Scandalum, in partibus. Ah, rigolam, mais appel à réflicum. Flicum, flicum, flicum venus, mille balus dans le foin d'homme. Oh, merdoum, crevam. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année, tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Il n'attendait pas le Père Noël? Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu. C'est la belle année d'Emmanuel. Nous les plus riches, on est contents. Et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il y a la France d'en bas, tous ces gueux ne voudront plus de toi. Il me tarde tant que ce jour revienne, quand le facteur va d'imposition que je vois en baisse et que je t'ai commandé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers. Les grèves, les manifs sont passées, les gueux retournent à leur boulot. Toi, tu as déjà commencé à flinguer leurs acquis sociaux. Au patron des grandes entreprises, tu réserves bien les surprises. Et quand on sera sur nos nouveaux yachts, entièrement défiscalisés, on chantera ta gloire d'une voix très haute pour ce que tu nous as octroyé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers. L'abonnement à ma chaîne est gratuit et te donne droit à une exonération totale de l'impôt sur la fortune. Alors profites-en. Nous avons fabriqué Éric Zemmour. Et l'autocritique là-dessus, Tintin. Et puis, Avons fabriqué Éric Zemmour. Comment? En lui donnant la parole, en ne le contrariant pas, en lui laissant dire n'importe quoi. L'interview du Corriere della Sera, ça a été un scandale. Un scandale. Moi, j'étais à RTL à l'époque. Et bien, le lendemain matin... Il était viré d'Italie après ça. Le lendemain matin... Éric Zemmour est allé sur RTL et Yves Calvi a fait une interview. Éric, vous êtes mal expliqué. On ne vous a pas bien compris. Vous pouvez nous expliquer, Éric? Bon. Écoutez, c'est pitoyable. Oui, alors je signe tout ce qui vient d'être dit par mes deux confrères et je rajouterai quelque chose de moins grave dans l'analyse, mais la droite réactionnaire très classique, ça c'est une droite anti-républicaine qui avait disparu depuis 45 et qui revient, qui a toujours existé en France et qui revient, une droite qui pense que la République c'est la gueuse et qui déteste tout ce que la République a pu faire. Et cette droite est fascinée, elle est fascinée depuis toujours par... la capacité qu'a eu la gauche de gagner les batailles culturelles. Elle est fascinée par Gramsci, ce penseur italien qui a théorisé la bataille culturelle, les majorités culturelles. Et là, elle est en train d'essayer de faire pareil. Mais Zemmour, le soir à 19h, c'est 600 000 personnes. Yann Barthès en a deux fois plus, vous en avez beaucoup plus. France Inter, à la même heure, en a beaucoup plus. Et Vous avez Valeurs Actuelles qui fait une une sur Valeurs Actuelles qui doit vendre 40 000 exemplaires. Hein, le nouvel homme s'en vend 2 ou 300 000. Et Valeurs Actuelles fait des unes sur le phénomène Zemmour parce qu'il fait 600 000 téléspectateurs. Et il y a une mousse comme ça. Alors la mousse existe, mais c'est de la mousse. Alors moi, je dis, vous, Babette, présidente, vous avez plus de téléspectateurs. Il manque un programme. Synthèse, deux fois plus de présidents. Mais c'est un piège redoutable. Faisons de la mousse. Est-ce que j'aurais dû faire la chronique? Est-ce qu'on aurait dû y passer 5 minutes? Oui, c'est un cercle vicieux. Exactement. C'est bien. Mais c'est bien. Ça dépend. Oui, c'est bien de l'avoir dit. Les amateurs, les coulisses d'un quinquennat, c'est paru de... Je peux rajouter un mot sans être impoli. Il y a dans ce livre 4 chapitres sur Nicolas Hulot et j'essaie de donner un peu plus de perspective à la plainte qui a été déposée contre lui pour viol parce que je trouve que là aussi les médias se sont détournés de la victime, ne veulent d'ailleurs toujours pas en parler et j'essaie d'éclairer un peu cette scène. Vous posez beaucoup de questions sans apporter de réponse. Je n'apporte pas de réponse. Il y a des enquêtes journalistiques qui sont faites. Non, il n'y en a pas. Là-dessus, il n'y en a pas. Il y en a qui sont en train d'être faites. Il faut elles conclure. Seront faites, elles sortent. Et en tout cas, il y a 4 chapitres qui amènent, je pense, à se poser des questions sur la personne qui a porté plainte contre Nicolas Hulot. Et nous sommes sortis de cette histoire, je trouve, pas très glorieusement. Mmh. Et puis il y a aussi les coulisses de votre rencontre avec Nicolas Sarkozy, qui vous passe un sacré savon. Ah oui, ça c'est bien. Ça aussi, tout le monde. C'est l'une des bonnes raisons de lire Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat, pour revivre un peu les coulisses de... Ah, on a toute la description par minute, c'est formidable. Et c'est... J'ai adoré ce chapitre. Exactement. C'est... Machio aruku kokoro karuku kareka ni aeru kono michi de kawaii kimi ni koe o kakete konnichiwa boku to yukimasho oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées itsumo nani ka suteki na koto ga Anata o matsu yo o Champs-Élysées Kimi o tsurete asobi ni yuko Minna ga atsumaru ano club Gita o hiite asa made uta o Kanoshiku sawaide koi o suru O Champs-Élysées O Champs-Élysées Kino made wa shiranai doshi kyou kara futari koibito sa michi o yukeba sekai wa yureru ai suru kimi to boku no tame ni oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées itsumo nani ka suteki na koto ga anata o matsu yo oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées Champs-Élysées Itsumo narika suteki na koto ga anata o matsu yo o Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Itsumo narika suteki na koto ga L'eau on peut pas compter, c'est interdit. Mais tout le monde sait que l'eau aussi est coupée. Alors vous ouvrez le robinet, coule une petite goutte de temps en temps, et vous attendez toute la journée que ça remplisse en seau. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, après, il y a les produits de l'alimentation qui ont augmenté. Les pâtes, les choses ordinaires. Donc ça, on peut le bloquer. D'autant que les marges qui sont réalisées par les grands distributeurs sont considérables. C'est des fois, ça va jusqu'à 30 et 40%. Alors d'accord, ils vont couiner parce que ça fera moins que d'habitude. Mais il faut quand même aussi tenir compte du fait que dans un pays qui a autant souffert que ce qu'on vient de souffrir. 8 points de la richesse nationale perdue, c'est pas rien, quoi. Elle est perdue quelque part. C'est de ces braves gens dont il est question. Et là, il y a urgence. Voilà. D'accord. Voilà vous pourquoi êtes je élu, dis vous maintenant, avez... là, voilà. Tout de suite, non, monsieur Macron, oui. Vous avez bloqué le prix des masques et du gel à un moment donné, ben, bloqué les prix sauf de première nécessité. Il le fera pas. Donc, si vous arrivez, il le fera pas, c'est une certitude. Si vous arrivez à l'Élysée, en revanche. Pourquoi vous pensez qu'il a un si mauvais cœur que ça? Il déteste les gens à ce point? Si vous arrivez à l'Élysée, ouais. Vous, c'est ce que vous faites tout de suite. Parce que là, c'est. Oui. Prenons l'heure qu'on va passer ensemble, c'est quel est votre programme et que faites-vous si vous arrivez à l'Élysée? Vous avez raison. Donc, vous arrivez à l'Élysée, c'est le SMIC, 1400 euros net et blocage des prix. Oui. Pendant combien de temps? Blocage des prix de première nécessité, si la situation s'est encore dégradée. Mais je vois pas comment elle s'améliorerait, puisque vous dites vous-même que M. Macron veut pas le faire. Bon, donc, on a un prof d'écho dans les grandes gueules, Thomas Porcher. Le blocage des prix, c'est faisable, c'est souhaitable? Ça a souvent été fait en économie. Et je veux dire, même nos prix de l'électricité ont souvent été des prix qu'on appelait soviétiques, hein, parce que ils étaient fixés par l'État, voilà, régulés. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours, ils augmentent au niveau de l'inflation, voilà. Donc, et puis, je rappelle que même chez François Hollande, hein, qui était plutôt du centre-gauche, il y avait dans ses premières mesures, ce qu'il n'a pas fait, le blocage des prix de l'essence à l'époque. Et un Français sur deux, avait dit dans un sondage que son vote était influencé par les mesures qui étaient prises sur les carburants. Vous voyez, et cinq ans plus tard, on a eu les gilets jaunes suite à la taxe carbone. Donc les biens de première nécessité aujourd'hui, les dépenses contraintes, elles mangent le pouvoir d'achat des bas salaires. Donc à un moment, il va falloir réguler tout ça. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie en plus de ces biens de première nécessité, que ce soit du blé, du pétrole, etc., qui sont soumis à la spéculation. Et là, vous aviez une économie qui était à l'arrêt, les prix qui ont chuté, quand même étaient à zéro à un moment du pétrole. D'un seul coup, ça remonte avec les plans de relance et la spéculation. On peut pas être, quand on est un bas salaire, victime de la spéculation financière. Donc à un moment, il faut réguler ses prix. Mmh. Bah, en même temps, la croissance économique est là. Contrairement à ce qu'avaient dit beaucoup d'experts, l'économie française s'est pas effondrée, les entreprises ne sont pas en défaillance. Jean-Luc Mélenchon, il attendait l'objection de l'objet consigné. Non, je veux bien. Objection sur quoi? Bon, mais c'est bien, vous êtes d'accord alors. Alors donc tout le monde. Il faut laisser repartir la machine économique, ça va recréer de l'emploi. C'est ce qu'on veut. Les entreprises vont refaire des marges. Les salaires vont augmenter. Bien sûr, tout va aller mieux, c'est absolument certain. Rien de tel qu'une grosse pandémie pour aller mieux ou une grosse guerre. Ah, on disait avant, voilà, une guerre, c'est ce qu'on disait. Regardez bien, on a perdu 10 à 12 points de la richesse du pays. Le système a été mis quasiment bloqué. On a arrêté toutes sortes de productions et d'activités parce que les gens ne pouvaient pas aller au travail ou parce qu'il n'y avait pas moyen. On a subventionné, on a aidé. Bien. Et puis, on a indemnisé le chômage partiel. Alors déjà, on pourrait commencer par faire une petite pause pour dire, mais c'est pas avec une mesure libérale qu'on s'est sorti du truc. Il a fallu prendre une mesure d'État et de coopération de tous les individus. Parce que le chômage partiel, c'est pas M. Macron qui l'a payé avec sa fortune personnelle, on ne le lui demande pas, c'est tout le monde qui l'a payé. Donc il a fallu du collectivisme pour régler le malaise. C'est d'ailleurs des laboratoires d'État qui ont trouvé les vaccins qui nous sortent de la crise, c'est bien connu. Qui l'ont financé. Pfizer, ça a été beaucoup financé avec Moderna, de l'argent de l'État, etc. sont des laboratoires publics. Oui, bon, écoutez, chacun appréciera votre remarque, mais je ne vais pas la laisser passer. Je termine juste sur ce que j'étais en train de dire. Donc, l'économie s'est effondrée de 10 points, de 12 points, et on redémarre. Ben, par la force des choses, on redémarre. Les machines sont là, les usines sont là, les gens sont là, les services sont là. Mais on redémarre. Mais regardez, on a perdu 12 points, on redémarre à 7. Il en manque toujours. On est toujours 3, 4, 5 points. Je ne sais pas si j'ai exagéré en disant 12 points perdus. Mettons même que ce soit que 10. On est 4 points en dessous de la production auparavant. Si vous regardez d'autres pays qui ont fait des plans de relance, vous me direz, les États-Unis font les plans de relance qu'ils veulent, ils appuient sur le bouton et ils impriment des dollars sans se soucier de savoir la suite. Ils l'ont fait comment? Ce que je propose de faire, avec de la consommation populaire. Ils ont donné 1400 euros par tête de pipe et 3600 euros par gosse de moins de 6 ans. Alors j'aime mieux vous dire qu'avec une chose pareille, qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on s'est sous, c'est les bas salaires, les gens du commun et les gens du peuple. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils le dépensent. Ouais. Ils n'achètent pas des actions, ils stockent pas. Ouais, mais c'est donc ils relancent l'activité. C'est un fusil à un coup. C'est-à-dire c'est donné une fois, après derrière ça ne dit rien de la pérennité des emplois et autres. Oui, mais vous redémarrez la machine, c'est toujours pareil, c'est comme la bicyclette. Donc vous aimeriez que... Mais c'est le premier coup de pédale qui coûte. Donc c'est faudrait faire un chèque aux Français. Et après, ça roule. Non mais attendez, Sur les laboratoires. Non mais il a fait une remarque assez perfide, mais je veux lui répondre sur un plan rationnel. Hein. Je prends le, j'entends l'argument. Vous dites, ben, c'est pas des laboratoires d'État qu'ont trouvé les vaccins. Bon, alors premièrement, sachez que la recherche en France est plus qu'abondamment arrosé d'argent public. Il y a même un crédit d'impôt rien que pour ça. Donc vous savez que l'impôt recherche, il profite d'abord aux banques, qui ont des trouvailles en effet, pour rançonner les gens, mais pour le reste, rien. Sanofi était une entreprise publique. Quand c'était une entreprise publique, le commandement de Sanofi répartissait les fonds à l'intérieur de l'entreprise, d'après les projets. Eh bien, que se passe-t-il maintenant? Vous avez le gars qui arrive qui dit, moi, je cherche une molécule pour essayer de déboucher les aortes, etc. Combien de temps pour arriver sur le marché? 10 ans, très bien. Et vous, je cherche une molécule pour que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes quand on les lave. Combien de temps? 2 ans, c'est vous qui avez le sou. Demandez à des chercheurs, mais demandez Pfizer, à des chercheurs Pfizer, de haut niveau privé. Comment se passe Pfizer, la recherche Moderna, privée. Tout ça, c'est privé. Ce que je veux dire, mais alors il y a qu'à les nationaliser, comme ça, ça coûtera moins cher. Ben non, pardon, monsieur, mais ça les intéressera pas de, ah, mais c'est de, vous qui venez de chercher dire les vaccins. Que c'était pas des laboratoires si publics qui avaient trouvé. En l'occurrence, Pfizer, Moderna, etc. C'est sûr qu'ils vont s'enrichir avec ces vaccins, mais heureusement qu'ils ont trouvé ces vaccins. Et en fait, la vraie sortie de crise, c'est les vaccins. C'est pas les mesures de super étatiques qu'on a pris depuis 2 ans en France. En réalité, moi, ce que je pense personnellement, c'est que Macron fait des dépenses électoralistes au prétexte du Covid. Pour en quelque sorte acheter des voix en vue de. C'est un gauchiste à vos yeux, dites donc. Pour moi, il est dans un délire où il pense. Depuis 2 ans, il n'est pas très libéral. Il peut dépenser autant qu'il veut, ça n'a aucun impact. Probablement qu'on va payer ça sur plusieurs générations, les dépenses qui sont effectuées maintenant. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est le système capitaliste libéral que vous n'aimez pas qui nous permet aujourd'hui de sortir de la crise du Covid grâce à ces laboratoires. C'est tout. C'est pas vrai, donc j'ai du ça à dire. Il y a 10 milliards d'argent public mis dans la recherche, et en France notamment, où on a payé des sommes folles, Sanofi est incapable de sortir un vaccin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je viens de vous expliquer comment ça s'est passé. Ils ont privilégié les recherches sur des gadgets rentables à court terme. La recherche fondamentale, ça va vous horrifier, ça consiste à payer des gens qui des fois savent pas ce qu'ils cherchent et découvrent par hasard des choses. Ça s'appelle l'esprit humain. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais la recherche fondamentale doit être alimentée. La recherche pratique doit être alimentée. Non mais ne dites pas, ne dites pas des choses. C'est ce que vous dites, monsieur. Parce que vous dites que c'est les laboratoires privés qui ont trouvé les vaccins. Pfizer, Moderna, etc. Ils n'ont pas réussi à faire ces vaccins en faisant de la recherche fondamentale. Bien sûr que si. L'ARN messager, c'est une trouvaille de 2 prix Nobel français, du CNRS français payé par l'argent de l'État. Qu'est-ce que vous racontez? Ils n'ont pas fait ce vaccin parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est ça. Non mais alors, pardon, c'est juste factuel, Charles, que c'est le système capitaliste libéral qui aujourd'hui nous sort de la crise. C'est une réalité factuelle. Ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Non, c'est pas que ça me déplaît, c'est que c'est le tour de Madame de Paris. Marie Alsou. Ah, j'ai fait des gestes en fait depuis tout à l'heure. Oui, vous avez l'air désespéré. Déjà, je voulais vous remercier parce que enfin, dans une campagne présidentielle, on parle d'autre chose que d'immigration et de sécurité, et ça me fait beaucoup de bien. On en parlera peut-être après avec vous, mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ah oui, franchement, ça fait du bien. Mais moi, j'ai une question, parce que j'ai lu, en fait, dans vos grandes mesures sur le plan social, vous dites, on va, pendant un an, en fait, enlever les profits, en fait, enfin, prendre les profits du CAC 40 et les garder, en fait, et éviter qu'il y ait de la distribution. Ou alors, j'ai mal compris, mais en fait, c'est à peu près ce que j'ai compris de votre proposition. Donc, vous dites que ça ferait 150 milliards d'euros. Non, ça fait 50. L'année dernière, le CAC 40, c'est 54 milliards. Voilà. Non, mais il n'y a pas de mal. Tout le monde n'est pas obligé de s'apprendre ces chiffres par cœur. Voilà, et en fait, vous proposez donc qu'il n'y ait plus aucune distribution et que ça soit gardé par l'État, c'est ça? Est-ce que vous pouvez expliquer? Et est-ce que vous pensez que ça va permettre justement que les entreprises se développent si on leur prend leur profit? Oui, vous voulez une année blanche? Si j'ai bien lu l'interview du JDD, une année blanche dans les profits du CAC 40. Voilà. Et les redistribuer. Voilà. Au-delà d'un montant? Au-delà d'un montant. Non. Ben oui, c'est-à-dire je fais pas le, je pourrais dire on prend tout. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Alors d'abord regardons oui ou non on prend tout ou pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a perdu de l'argent. Absolument tout le monde. Le pays a payé de l'argent. L'État a perdu de l'argent. Tous les particuliers ont perdu de l'argent. De toutes les manières. L'épargne se porte bien. L'épargne privée en France. Sauf. Oui, mais attendez, l'épargne. Vous êtes sympa, mais c'est pas l'épargne des petites gens. Hein. L'épargne, quand on dit l'épargne, c'est aussi bien quelqu'un qui met beaucoup de sous de côté ou une très grande entreprise qui a une part de trésorerie qu'elle met en épargne, ça s'appelle de l'épargne. Il est clair que dans la période où l'activité était au ralenti, mettre la trésorerie en épargne, c'était le plus évident et pas le plus génial. Mais ils l'ont fait. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les entreprises CAC 40, là, je ne parle pas de leur réinvestissement. De toute façon, c'est de la rigolade. Dans les 10 dernières années, ils ont diminué de 5% leurs investissements et augmenté de 70% l'argent qu'ils distribuent aux autres. Donc ce n'est pas vrai que quand ils ont de beaux bénéfices, aussitôt on leur trouve dans l'investissement. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de l'argent, une fois qu'on a calculé l'investissement, une fois qu'on a calculé tout le reste, qui est parti en dividendes. Il y en a pour 53 milliards. Donc je dis, tout le monde a eu une année blanche, aller chez le bistrotier du coin, le restaurateur ou le maçon, vous aussi. Cette année, le président de la République a dit qu'on était en guerre. Eh bien, puisqu'on est en guerre, les profiteurs de crise, vous passez à la caisse. 53 milliards. Avec ça, il y a de quoi payer un salaire à revenu moyen. Je suis à en dessous de 2000 euros. Hein, à 1 million de personnes pendant un an. C'est-à-dire que nous pourrions avoir... Dans les métiers du lien, c'est million. Ce que vous dites. Oui, j'ai mis les métiers du lien, comme ça on voit plus de quoi on parle. Ça veut dire que nous aurions 1 million de personnes au travail pour rattraper les dégâts de la période du Covid. Alors, c'est des assistants d'éducation. On en a mortellement besoin, parce que les retards qui se sont accumulés, on ne va pas attendre qu'on en soit à des niveaux à l'école tels qu'on n'arrive plus à les rattraper. Je prends cet exemple. Donc, vous pouvez en mettre 100 000 au boulot. Un an et ensuite, que se passe-t-il ? Après, c'est la vie. Après, si c'est mon plan qui se met en place, non mais bien sûr. Après, c'est la vie. Oui, bien sûr. Mais écoutez, monsieur, si c'est moi qui suis élu, je peux vous répondre et je vous explique mon plan. Qu'est-ce que c'est que la planification écologique? Combien il faut d'emplois? Comment on s'y prend? Comme pourquoi il faut mettre du protectionnisme solidaire sur l'agriculture, etc. Mais c'est pas ça votre question. Là, nous sommes dans une situation d'urgence. Je me tue à vous dire que s'il y a urgence sanitaire, s'il y a urgence climatique, il y a urgence sociale. Vous pensez à tout sauf aux gens. Alors, les nuages, l'air chaud, oui, le virus, oui, et les gens, rien. Non, il faut s'occuper des gens. Et les gens, il y a urgence. Donc l'année qui vient, il faut desserrer les taux pour qu'ils respirent, pour que le pays aille mieux, que les gens aillent mieux. Et ensuite, on consomme. Et après, si vous votez pour moi, et ben, ça sera mieux. Et bien, on continue d'en parler. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. Suite, puisque vous restez une heure avec les GG, beaucoup de questions à vous poser sur l'union de la gauche, sur votre plan, bien sûr, sur la gauche, la multiplication de candidatures. Et puis, je ne sais pas si vous faites partie de tous ceux qui détestaient la police, comme ça a été chanté à la fête de l'UMA. Tout de suite avec les GG. Moi, je suis là. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Les grandes gueules. Sur Back Market, revendez votre ancien smartphone jusqu'à 400 euros. Mais comme cette pub est un peu banale, on va vous le dire en étant beaucoup moins. Back Market. Petit climax, là, un moment où Jean-Luc Mélenchon nous fait une année blanche de dividendes. Mais aujourd'hui, dans la mondialisation, les dividendes vont partir ailleurs. Dès que vous arriverez à la porte de l'Elysée, les grandes sociétés du CAC 40, elles vont faire glisser les dividendes via des filiales, des holdings. Et vous les aurez pas, les dividendes, Mélenchon. Vous les aurez pas. Ah, et ben écoutez, si, parce que j'ai trouvé comment faire pour les chasser jusqu'en enfer, s'il faut, et les faire. Mais c'est normal que les grandes entreprises payent, et même qu'elles payent plus que les petites. Alors pour l'instant, c'est l'inverse. Alors comment je ferai? Ben, ça s'appelle l'impôt universel. Où que vous alliez, vous payez la part que vous devez à la France. Voilà. Comme les États-Unis. Eh ben oui, les États-Unis font ça. Et puis j'aime mieux vous dire qu'ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils téléphonent, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Ils téléphonent dans les banques pour demander la liste des citoyens qui sont suspects d'américanitude. Parole d'honneur, ça existe. Et ils les coursent un derrière l'autre. Eh ben nous, on en fera autant. Et je pense que la discussion avec le patronat, le grand patronat français, parce que ceux qui sont dans le CAC 40, on va dire, sont déjà en grosse partie internationalisés. On va quand même tout mettre sur la table. On peut pas, pendant des années, leur donner des subventions de toutes sortes qui en font quasiment, des entreprises soviétiques ou chinoises pour une partie d'entre elles, parce qu'elles vivent de crédit d'État, de crédit d'impôt, et pas vraiment de leur capacité productive. Dire, bon, moi je vous donne la visibilité avec la planification écologique, je vous dis ce qu'on va faire. Écoutez, j'ai convaincu quasi tout le monde, les Verts disent que l'État doit orienter avant une traité d'étatisme, Madame Hidalgo, hier, vous me direz, bon, elle dit un peu n'importe quoi, mais elle a quand même dit ça, qu'elle allait faire un plan quinquennal. Sur quoi elle dit n'importe quoi? On va voir tout à l'heure, parce que vous avez prévu qu'il y aurait le petit quart d'heure vacherie, il faut bien qu'il y en ait. Mais je termine sur ce que vous disiez. Non mais, je termine sur l'argument rationnel que vous m'avez présenté, parce que c'est un vrai argument, de dire les gens vont se sauver si vous menacez de leur faire les poches. Bah oui. Si vous avez des lois qui vous permettent un droit de suite pour payer les impôts, non, les gens ne se sauveront pas. Et que voulez-vous qu'ils fassent se sauver? Mais ce n'est pas les savoirs ni les brevets. Franchement, j'aimerais quand même faire entendre une voix dissonante face à cette espèce de propagande cubaine qu'on entend ce matin. Enfin, moi, je veux pas que... Pourquoi c'est de la propagande comme c'est moi qui parle, pas vous? C'est vous qui faites de la propagande, votre truc marche pas. Alors, souffrez que chaque propagande puisse s'exprimer. Sauf que moi, je ne sais pas de la propagande. À égalité, vous savez, le CSA veille ces jours-ci sur les temps de parole. Vous n'êtes pas privé, pleurez pas. Étrangement, Emmanuel Macron n'est pas décompté encore. J'attends le moment où, où ce sera le cas. Mais d'abord, dire qu'on ne fait rien pour les gens en ce moment, vous avez l'air de dire que les gens en France sont complètement abandonnés, etc. Enfin, on n'a jamais dépensé autant d'argent public pour aider les gens. Il y a eu le chômage partiel, il y a les aides à tous les indépendants, il y a des professeurs de ski qui ont reçu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils n'ont pas eu leur saison de ski parce qu'on a fermé les remontées mécaniques à cause du Covid. Donc franchement, c'est présenter une réalité qui n'existe pas. Et votre proposition sur le CAC 40, c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire que vous avez que des mesures un peu à court terme et vous vous en sortez avec ce truc magique. Bah après c'est la vie. Attends Charles. Après on verra. Non mais attends. Le respecter le travail des gens. Qu'est-ce que c'est le CAC 40? C'est pas, on voit que vous avez un parcours par lequel il n'y a pas eu d'entreprise privée sur votre trajet. Le CAC 40, c'est quoi? C'est une réalité. Mais vous le avez CAC vécu 40, des fonctionnaires toute votre vie. 40, vos instituteurs étaient des fonctionnaires. Les policiers dans la rue sont des fonctionnaires. L'électricité oui, avec laquelle je vous êtes. Je suis pas sûr que. Ah, ben oui, vous voyez. Dans votre vie, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées non plus. Cher monsieur Mélenchon. C'est pas des arguments. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont. Mais faites honneur à votre intelligence. Donner des choses mais j'ai solides. Que ce que je vous dis vous dérange, puisque vous ressentez le besoin de m'interrompre. En général, quand on n'est pas dérangé, on interrompt. Mais parce que ça m'amuse, sinon c'est plus un dialogue. Donc vous êtes manifestement mal à l'aise, mais je vais continuer. Quand regardez même. Ma tête comme je suis mal à l'aise. Je vais continuer. Oui, écoutez, vous savez bien, ça c'est les vieux apparatchiks, qu'ils ont, on leur apprend pas, on leur apprend pas à faire la grimace. La totale. Je vous apprends pas à faire la grimace. Vous savez, en Chine, c'est pareil, ils n'expriment aucune expression. Il vous manque encore le Venezuela et Cuba pour faire votre petite tête de Bolsonaro. Mais pardon, vous vouliez rejoindre l'Alliance bolivarienne et quitter l'OTAN. Moi, je préfère rester dans l'OTAN et laisser les J'avoue pays... J'avoue que vous ne savez pas ce qu'est l'Alliance bolivarienne qui n'a rien à voir avec l'OTAN. Que vous et en aimez, plus, ignorant. C'est dommage, hein, parce que vous êtes un garçon brillant. Vous pourriez faire des études et ça s'améliorerait. Je peux continuer. Je pense que j'ai fait des meilleures études que vous. Mais c'est pas grave. Je continue. Le CAC 40, qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises... remarquables, ouais. Dans lesquels il y a des gens qui travaillent énormément, dans lesquels il y a de la recherche, oui. Qui sont des emplois, etc. Ces gens-là sont motivés par quoi? Par le souci du travail bien fait, parce que ce qu'elles font à la fin, un peu quand même, excusez-les, par la rémunération, ça oui, compte. Oui, mais c'est normal. Hein bon, je crois que vous êtes le plus gros patrimoine de 2017, donc ça compte la rémunération. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Vous avez trouvé ça dans la propagande de l'extrême droite. Je possède un appartement à Paris et une maison de campagne. Voilà c'est mon... déjà pas mal. Déjà pas mal, en effet, à 70 ans, je suis assez satisfait. Mais ça, c'est un truc de l'extrême droite. Vous êtes marrant, vous répétez tous les mêmes choses. C'est une réalité. Terminé. Vous avez un patrimoine correct, oui, donc vous n'allez oui, pas oui. dire voilà. Que la donc, rémunération est un non-sujet. J'aimerais non, pas, vous n'avez pas dit ça. On vous parle des bénéfices, des actions. Arrêtez d'endormir les gens. Je vais finir en une phrase. Moi, je pense qu'en France... Au contraire, on souffre du fait qu'on a beaucoup trop d'État, que l'État s'accorde, s'arroge une place, un pouvoir sur le travail, sur la vie des gens qui est beaucoup trop Mais vous important. Mentez. Et vous démoralisez. Ça vous dérange pas de mentir. Je vous parle des dividendes qui sont payés par des salaires. Vous démoralisez. Retournez à l'école. Vous démoralisez. Vous confondez dividendes avec et salaires. Mesures d'inspiration. Alors les grandes gueules, qu'est-ce que vous faites? Mais il raconte un truc qui n'a pas de goût. Et je constate qu'on a encore des candidats qui veulent spolier les. C'est ça, avec Chavez, Cuba et Venezuela. Non, mais sur les mesures économiques, c'est bon, la récitation est finie. Les mesures économiques, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Dans des situations imprévues, il y a des mesures qui sont prises parfois qui peuvent être particulières. Vous regardez aux États-Unis, c'est pas Cuba, le Venezuela, aux États-Unis. Quand les prix du pétrole ont augmenté après les chocs pétroliers dans les années 70, il y a eu un profit énorme pour les multinationales pétrolières. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? Ils se sont dit, ils ont des profits énormes, on va les taxer. Parce que c'est des profits imprévus dus à une situation particulière. Donc on taxe, on en récupère une partie. Mais est-ce que les entreprises du CAC 40 ont profité de la crise sanitaire? Justement, là, vous regardez, il y a eu un plan de relance qui a été fait, 20 milliards de baisses d'impôts de production. C'est ça, c'est une mesure pérenne, qui n'est même pas juste provisoire, pérenne. C'est pas lié à la pandémie tout le temps. Bah, c'est dans le plan de relance. Et vous regardez dans ce plan de relance. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que ce plan de relance, il n'y a que 0,8% qui sont de l'aide aux ménages les plus précaires. C'est le ticket resto U à 1 euro et l'allocation de rentrée. Il n'y a rien d'autre. Donc, pourquoi on ne peut pas à un moment se dire que dans ce plan de relance, il aurait fallu donner aux 30% des ménages qui gagnent 1400 euros de moins, peut-être 20 milliards, l'équivalent de la baisse des impôts de production, pour qu'ils aient un peu plus de pouvoir d'achat. Alors qu'on sait qu'il y a une partie quand même des revenus parmi les plus précaires qui ont eu du mal. Mais comment on redonne ce pouvoir d'achat, là? Eh ben, il y a mille fonds. Soit on taxe un peu plus le capital, parce que soit il y a cette proposition-là, mais soit à un moment, les charges vont être dépensées dans le programme, mais à un moment, il faut que l'ensemble de la société, dans cette situation particulière, Jean-Luc Mélenchon, puisse faire face. Merci, monsieur Forcher. Est-ce que je regrette que, quand on discute d'économie, on puisse pas aller au bout d'un raisonnement économique et que ça tourne tout de suite à la pantalonnade. Monsieur Mélenchon, vous avez un appartement et des arguments personnels qui sont... Il faut discuter du sujet lui-même, du contenu. Parce que monsieur, même si j'étais milliardaire, ce que je ne suis pas, je serais légitime à être un partageux et un homme de gauche. Ça s'est vu dans l'histoire. Alors si vous pensez que les gens n'ont pas de cerveau mais seulement un portefeuille, c'est votre vision du monde. Moi je connais des gens qui ont des sous, qui sont bien dans la vie et qui sont un, généreux et deux, prêts à partager et à payer plus d'impôts. Mais si on prend tout après, il n'y a plus de... Mais là on ne parlait pas du salaire. Je ne suis pas en train de dire on va parler des dividendes, les salaires des gens qui travaillent dans le CAC 40, je parlais des dividendes, ce qui est donné aux actionnaires. Bien. Je voudrais vous dire que c'est tellement vrai ce que vient de dire Thomas Porcher. C'est-à-dire, on est dans... Le président, tout le monde dit c'est une situation exceptionnelle. Dans la situation exceptionnelle, je dis, certainement des choses ont été faites, mais on a oublié plein de gens. Donc, comment on s'en occupe? Regardez, le blocage des prix. Alors, vous avez tous fait trois sauts périlleux arrière. Bon. Mais parce que si vous bloquez une partie des prix, ça va être compensé par l'augmentation des impôts. Oui. C'était dans la loi. Oui, oui. Et là aujourd'hui, dans le code du commerce, aujourd'hui, je vais vous le lire pour que vous compreniez. Article 410.2. Je ne le savais pas avant d'avoir abordé ce sujet. Quand est-ce qu'on peut encadrer les prix par décret? Il n'y a même pas besoin de voter une loi. D'accord, le Premier ministre Jean Castex, demain, s'il veut, il bloque les prix des pâtes, du riz, de l'essence et du reste. Quand il y a des situations de monopole, quand il y a des difficultés durables d'approvisionnement, et on y va tout droit, notamment pour les prix de base des matériaux pour la construction, ou bien quand il y a, une situation de crise, de circonstances exceptionnelles, ce que vient de dire M. Porcher, une calamité publique, par exemple la Covid-19, ou une situation anormale du marché dans un secteur déterminé, vous venez d'évoquer les prix du pétrole. Par conséquent, on a tous les outils juridiques. Ils ont été mis au point, non pas par des bolcheviks chavéziens, mais par des gens tout à fait ordinaires qui sont dans l'État et dans l'Assemblée nationale. Donc vous demandez aujourd'hui pourquoi on n'applique pas ça. Pourquoi on bloquer les prix? Voilà. Pour fermer ce volet économique, je ne sais pas si vous suivez les débats de la primaire écologiste, il est beaucoup question de décroissance. Par exemple, l'ancienne socialiste Delphine Batho, et pour la décroissance, c'est-à-dire on s'en sortira pas, il faut un projet de rupture. Vous avez encore finalement un discours assez productiviste de gauche, avec une redistribution des moyens et de la richesse dégagée par cette production. Delphine Batho dit non, c'est terminé tout ça. Ça c'est le monde d'avant. Qu'est-ce que vous racontez? Alors il faut faire la part de ce qui est dû à la chaleur de leur débat et puis à la volonté d'avoir une ligne claire. Bon, je comprends ce qu'elle dit. Je me référerais plutôt pour la décroissance, pas à Delphine Batho qui l'a découvert assez tardivement, mais à Paul Ariès qui, lui, depuis des années, explique ça. Mais lui, au moins, il a la modestie de dire « le mot décroissance, dit-il, c'est un mot au but, pour nous obliger à réfléchir et pour nous obliger à comprendre qu'on ne peut pas dire « on va produire plus, tout le temps ». Le vieux logiciel social-démocrate, complètement éculé, qui dit « on va corriger les inégalités par une distribution inégalitaire, vous suivez, des fruits de la croissance ». Ça veut dire qu'il faut une croissance sans fin dans un monde dont les limites sont connues. Alors, ça ne veut rien dire, la décroissance, comme d'ailleurs souvent la croissance. Si vous prenez le PIB, vous creusez un trou, les gars. C'est dans le PIB. Vous le rebouchez. C'est dans le PIB. Qu'est-ce que vous avez produit? Rien. Mais dans le PIB, vous avez produit le salaire pour vous faire creuser le trou et le salaire pour le reboucher. Par conséquent, les indicateurs dont nous disposons ne nous permettent pas de réfléchir sainement. La décroissance doit en effet frapper dur certains secteurs. Dur. Par exemple, la production de pesticides. Ça, stop, ça suffit. Parce qu'on est en train de pourrir et d'abaisser la fertilité des sols, donc il faudra en mettre toujours plus, et là, en effet, la croissance est mortelle. Mais la croissance d'un certain nombre de productions, notamment des machines qu'il va nous falloir pour changer les process de production. Par exemple, si vous cessez de faire du plastique

dans la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes, on a plein le dos d'être contrôlés 10 fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, parce qu'il y a eu 32 personnes éborgnées, on n'a pas trouvé un seul tireur. Donc, dans la jeunesse, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous autres les vieux, mais c'est comme ça. Il y a, disons, un certain ressentiment. Il y a une distance qui s'est créée. Après, le reste, on est en France, là, doucement. C'est la fête de l'humain, c'est pas la fête paroissiale. Et encore même à la fête paroissiale, ils sont moqueurs, ils se moquent des curés, des fois. Mais tiens, bon, donc justement, la moquerie, là. Mais écoutez, on est dans la manière qu'a, dans un concert, on a... Vous avez oublié, écoutez, vous avez été jeune, Brassens, à l'époque, vous écoutiez, non? Et quand il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Mmh. C'est la chanson au marché de Brive-la-Gaillarde. Mais seulement ce que ça donne, c'est que vous avez Monsieur le ministre Darmanin qui sort pour dire « J'exige que tout le monde présente des excuses à plat ventre, si possible, hein, et avec un sac de cendre sur la tête. Mais dans quel pays on est, là ?» Ouais. Alors, et vous, le libéral, là, vous devriez un peu... Mais attendez, si vous devez protéger, quand même, non ? Je vais quand même revenir sur la police, parce que, oui, on entend ce que vous dites, mais maintenant, il y a quand même un vrai sujet sur la police, il y a un vrai sujet sur l'insécurité, notamment Marseille, une ville que vous connaissez bien, où il y a quand même des morts régulièrement, y compris chez des adolescents, et là-dessus, la police, elle a quand même un rôle à jouer, et vous-même, en tant que président de la République, qu'est-ce que vous ferez pour lutter, justement, parce que vous aurez besoin de la police contre la sécurité. Tout à fait, vous avez raison de le poser comme ça. Le système policier est hautement inefficace, parce que ça fait maintenant des années qu'on vote des lois, qu'on augmente les salaires. Enfin, je voudrais quand même, puisque hier, il y a été question des salaires des profs. Hein. Bon. Un prof, c'est Bac plus 5, pour être insti. D'accord. Ma mère a été recrutée insti à BEPC, et c'était une bonne insti, je m'empresse de vous le dire. Bon. Maintenant, c'est Bac plus 5, ça veut dire que les enfants du peuple, 5 ans sans salaire. Avant, on allait à l'école normale. Un fonctionnaire de catégorie A, capitaine de police. Bac plus 3. Premier échelon. Combien? Sans doute plus que le prof. Je savais pas, hein. Donc moi, je suis malin parce que j'ai une fiche. 2002. 2431 euros net. Bien joué. Échelon 10. Fin de carrière. 3646 euros net. Donc mieux vaut être un professeur des écoles. Écoutez la suite. Fonctionnaire de catégorie A. Bac plus 5. Entrée, échelon 1. 1430 euros. Capitaine de police, Bac plus 3, 2431 euros. Un professeur des écoles, 1431. Fin de carrière, 2327 euros. Ce que je veux dire, par cet exemple, c'est que c'est pas vrai que la police en France soit maltraitée. Ce n'est pas vrai. Elle est mal utilisée, mal formée, mal organisée. Alors justement... Mal utilisée parce qu'on met 7000 types et filles dans la BAC pour faire du soi-disant flagrant délit, avec tous les problèmes que ça a soulevé, et seulement 5000 dans la police judiciaire pour mener les enquêtes. Vous donnez l'exemple de Marseille. Quel est le problème de Marseille? C'est pas l'adolescent. Le problème de Marseille, c'est qu'il y a des armes qui circulent. Il y a 6 millions d'armes qui circulent dans ce pays. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Le trafic d'armes, le trafic de drogue, de la drogue dure, le trafic des êtres humains, le recyclage de l'argent sale. C'est ça qu'il faut tuer dans l'œuf, et vous verrez que le reste disparaîtra. Parce que vous n'aurez pas de chauffeur quand il n'y a rien à chauffer. Alors justement, et vous n'aurez pas de trafiquant de drogue si le cannabis est légalisé et qu'on ne peut plus trafiquer dessus. Vous aurez les autres, les gros trafiquants, et on les pourchassera. Donc il faut utiliser autrement. Attendez, non, mais on a parlé de la formation, ça peut pas aller. Si vous recrutez des policiers au concours à 6 sur 20, il y a un problème, il faut former. Les profs aussi, on les recrute malheureusement. Non, ça c'est des menteries anti-profs. Bah, c'est parce qu'on en trouve pas. Alors, donc, non, mais je veux pas dire non plus que tous les policiers sont recrutés, parce que vous savez, ils m'écoutent là en ce moment. Alors ça y va avec le syndicat facho des commissaires et les factieux. C'est Alliance. Alors avec eux, je suis servi tous les jours, il faudrait me pendre. Moi, je dis aux policiers, si je suis le président de la République, je refondrai tout de la cave au grenier. Et je ferai une police républicaine qui passera son temps à pourchasser le crime. Une police républicaine, ce sont des grands mots, Jean-Luc Mélenchon. Dans les faits, par exemple, lorsqu'il y a un rodéo sauvage, on envoie les policiers ou pas? Bah, je crois que c'est pas permis, non, le rodéo sauvage, c'est pas le sujet. Donc, je suis pas en train de vous dire, alors, chacun fait ce qu'il veut, on attaque les banques si on veut. Non, je vous dis le contraire. Mais la manière de faire... Oui, mais ça crée aussi... Donc, c'est pas ça qui crée le problème. Et des gens n'aiment pas les rodéos. Et moi, je dis à ceux qui les font, qui nous cassent les oreilles, qui se mettent en danger, ils nous pourrissent la vie. D'accord? Je leur dis. J'ai pas peur de leur dire. Je le leur dis. De même que je dis aux policiers qui passent dans le boulevard Magenta, à toute sirène hurlante toute la journée, qui nous cassent aussi les pieds, des fois, peut-être que c'est pas si urgent que ce qu'ils croient. Donc, vous mettez les rodéos et les flics sur au même plan, vous, alors, du coup. Voilà, ça y est. Bah, et c'est ce que vous venez de faire. Mais non. Bah, vous venez de dire, ils nous cassent les oreilles, et les autres nous cassent les oreilles aussi. Je veux vous dire qu'un peu de bon sens, un peu de détente dans le rapport aux gens, c'est pas ça qui pose problème dans la jeunesse. C'est le problème dans la jeunesse, c'est les contrôles aux faciès. Ni vous, ni moi, on a eu à endurer ça. Voyez-vous, ni vous ni moi. Par contre, toute une série de modes jeunesse, c'est tous les jours. Alors, deux questions. Regardez, je vais donner l'exemple. Bon, vous connaissez Monsieur Younous Omarjee, président de la commission des régions au Parlement européen, député européen. Le gars, chaque fois qu'il monte dans le train, le contrôle, c'est pour lui. C'est pas normal. Alors, pourquoi? Parce que il a la peau noire. Deux questions concrètes, très rapides, avant de partir sur la gauche. J'ai pas mis les policiers, s'il vous plaît, je veux être tranquille dans le boulevard. La première question, vous avez, si vous êtes élu président de la République, déjà en tête, vous savez qui sera votre ministre de l'Intérieur? J'ai quelques idées, oui. Ce sera chez les Insoumis. Ça dépend. Non, mais il y a des gens... Non, mais justement. Thomas Porcher, il n'est pas insoumis. Mais c'est un économiste, je peux parfaitement lui dire demain à gouvernant, Monsieur Porcher, est-ce que vous êtes un enseignant, vous êtes une formation supérieure, est-ce que vous acceptez d'être le haut commissaire à vous avez déjà... J'en sais rien, je donne un exemple. Non, mais c'est intéressant, vous avez déjà votre gouvernement en tête et votre éventuel ministre de l'Intérieur. Oui, je sais comment mais est-ce que vous dissolvez tout de suite, par exemple, la BAC et les braves? Les policiers sur les motos, en plus c'est des volontaires, une horreur. Monter sur une moto à deux, dont un des deux tape les gens dans la rue. Ça, je suis d'accord. Vous dites que les braves, braves et BAC. Mais attendez, on fait glisser... C'est pas la même chose. Hein. Ah, non, ils font pas le même... Mais je pose la question. La BAC, il faut faire glisser les effectifs de police d'une manière disciplinée, organisée. Mais... Moi, je suis vraiment pour une vraie refondation, y compris en introduisant parmi les conscrits des gens qui, en plus grand nombre, iraient participer aux tâches de gardiens de la paix. Mon idée, c'est gardiens de la paix, pas cow-boy avec des matraques et qui se mettent au milieu des... Non, tout ça, ça suffit. Et je connais des... Je peux vous dire, hein, des dizaines de gars, parce que des policiers insoumis, il y en a plein, il y en a partout. Ils sont obligés de faire attention, hein, et de la fermer, et de faire semblant, vu l'ambiance qui règne là-dedans. Mais c'est pas possible de continuer avec les mentalités qu'il y a là, les manifs factieuses devant l'Assemblée nationale, les propos outranciers qui sont tenus par tous ces gens contre des élus. Enfin, ces gens sont venus deux fois manifester devant le siège de mon parti, vous rendez compte du truc, c'est du jamais vu. Mais ils iraient chez Macron que je protesterais pareil. Parlons un instant de la gauche. Il faut tout refonder et j'ai dans l'idée, vous voyez, si on vraiment voulait faire quelque chose de spectaculaire, on pourrait dire bon, tout ça, c'est terminé. On crée autre chose, ça s'appelle la garde républicaine et on refonde avec des gens qui font gardien de la paix, avec des gens, vous voyez, comme on disait autrefois. Alors ils avaient des pèlerines, les gars, c'est tout ce qu'ils avaient, des pèlerines et des bâtons. Maintenant, vous les voyez dans la rue, on dirait Robocop. On se demande qui ils vont affronter. Alors, la gauche, septième candidature à gauche, Anne Hidalgo, candidate choisie par un parti que vous connaissez bien, le Parti Socialiste. Non, elle est choisie par personne, là, pour l'instant. Elle s'est choisie toute seule. Ah, elle était choisie par Olivier Faure. Olivier Faure, c'est pas pareil. Le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez d'Anne Hidalgo, de cette candidature? Rien, pour être honnête, rien. Je l'analyse vu de l'extérieur, il y a une bataille dans le centre-gauche pour savoir qui le dirige, parce que c'est lui qui s'est effondré en 2017, c'est le centre-gauche. La coalition vert-socialiste, ils n'avaient qu'un seul candidat, après avoir gouverné ensemble. Ils se sont effondrés, et moi, en tant que représentant politique d'une autre entité, qu'on va appeler le Bloc Populaire, je l'ai mis dans un rapport de 1 à 3. Bon. Voilà. Alors, ils doivent se recomposer, et on ne sait pas aujourd'hui qui va l'emporter de Madame Hidalgo ou du candidat ou de la candidate Europe Écologie Les Verts. Il y en a pour des mois avant que ça se stabilise. Et elle, je ne sais pas, je ne connais pas. Elle fait une proposition. Elle veut doubler le salaire des profs. C'est assez spectaculaire. Ah, ça, c'est clair que c'est spectaculaire, mais pardon de dire que je suis pas d'accord, parce que j'ai eu la curiosité de calculer. Alors, on savait pas très bien comment calculer, parce qu'elle, elle dit. Ça fait 9 000, enfin bref, peu importe. Son compte à elle, ça donne 100 milliards. Nous, on est parti des payes dans le budget de l'État, de l'éducation nationale. Et comme elle a dit que c'était tous ceux qui étaient en face des élèves, donc ça veut dire 93% de la dépense actuelle de l'État. Eh ben, multiplié par 2 pour tous les profs, ça vous donne 60 milliards. Ouais, c'est pas rien. Admettez que c'est une somme qui mérite débat, hein. Bon, là, non, comme ça, pouf. Alors, et est-ce que c'est la priorité totale et absolue. Oui, il faut revaloriser les salaires des profs. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Il faut revaloriser les salaires des profs. Et pour comment faire? Ben déjà, première chose, on regarde ce que demandent les syndicats. On n'invente pas des mots d'ordre tout seul dans son bureau, trois communicants. Donc les syndicats, ils demandent de rattraper le gel du point d'indice, qui a duré depuis 10 ans à l'initiative des socialistes, et puis de faire une augmentation de salaire. Ça, je suis d'accord. Total, 17 milliards. Ah, c'est pas tout à fait la somme. Et il faut les trouver. On va les trouver. D'accord. Mais il y a le reste. Il faut du monde de plus à l'école pour faire baisser le nombre d'élèves par classe. Il faut que dans l'enseignement professionnel, on arrête de fermer les lycées professionnels et qu'on en ouvre d'autres. C'est des magots ? Bah, moi, je vous laisse ça à vous de qualifier. Si je dis un mot, vous savez ce que c'est, il ne va plus rester que ça. D'accord. Moi, je dis seulement qu'autrefois, le PS avait une culture de gouvernement. Donc, il s'est forcé de proposer des mesures dans un cadre d'ensemble. Là, on raconte ce qui passe par la tête. Puis, comme ça ne suffisait pas, le lendemain, elle a dit, on va mettre les policiers. Alors, on va doubler le capitaine de police. C'est qui peut dire à madame, merci à madame Hidalgo. Il passe de 2431 euros à 4862. Elle va venir vous mordre les mollets. Elle va venir vous mordre les mollets, là, dans le socle électoral, madame Hidalgo. C'est possible, mais il y a moins d'imbéciles qu'elle le croit parmi les gens qui votent pour moi. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous leur proposez un truc dont ils savent eux-mêmes que ça ne tient pas debout. Ben, ils se disent, elle dit ça pour m'appâter, puis demain, elle fera autre chose. Mais dernière. Mon ennemi, c'est la finance. Quand est-ce que vous débattez avec l'équipe qui a le plus arrosé la finance? C'était M. François Hollande lui-même, avec le président. On a appris ce matin qu'Éric Zemmour perdait son émission. Il avait une émission quotidienne sur CNews. Le CSA a eu la peau d'Éric Zemmour? Ben je sais pas ce que le CSA est sorti de sa longue sieste. Il lui reste maintenant encore à se demander quand est-ce que Monsieur Macron va être compté comme candidat, parce que écoutez, ça le fait un peu fort, les gars. Quand il est venu à Marseille, on a quand même eu 3 jours à la télévision non-stop. Bah, c'est le président. On est d'accord. Mais enfin, autrefois dans notre pays, on faisait pas ça. C'était pas le portrait du président, si tu l'enlèves, tu vas en prison. Et puis sinon, tous les jours, à toutes les heures, vive le président, comme il est beau, comme il est grand, comme ce qu'il fait est intéressant, même si c'est pas vrai. Je trouve qu'il y a une dérive. Il y a d'un côté le côté autoritaire, mais alors ça fait plus chinois que moi, hein, cette histoire. Mais c'est pensé, oui, c'est vrai. Pour revenir à Éric Zemmour, on cherche à le faire taire. Je crois pas qu'ils cherchent à le faire taire. Ils sont quand même rendus compte que ça allait trop loin. Alors, ça va peut-être pas faire du bien à CNews, mais Monsieur Zemmour est devenu, enfin, faut quand même parler avec respect de votre collègue, c'est l'intellectuel organique, comme on disait autrefois, de la droite. C'est lui qui fournit les argumentaires à tout le monde. Il produit le principal liant de la droite, parce que la droite est, enfin, la droite, on se comprend, c'est la peur de l'autre, peur de ci, peur de là, en racontant n'importe quoi. Sans contradicteur pendant des Il faut aller débattre avec lui à la tribune de ces jours. Ah, mais moi j'ai dit, à un moment donné, il se pouille entre eux, c'est pas moi. Parce que tout à l'heure vous parliez de d'éparpillement des candidatures de gauche, mais alors dites donc à droite c'est pas mal aussi, puis à l'extrême droite vous en parlez. Ben quoi, ça s'appelle la démocratie. Faut que quelqu'un convainque les autres. Ben, une trentaine de candidats, c'est... Eh ben c'est la vie, il y a des pays où on a plus, il y en a déjà eu plus dans le passé en France. Il n'y a jamais eu autant d'abstentionnistes. Il n'y a jamais eu autant de candidats. Et ben c'est bien la preuve que c'est la crise totale. Donc l'élection va remettre de l'ordre. Mais les Français vont choisir. Est-ce que vous prenez quelqu'un de l'extrême droite qui vous explique que la solution, c'est de jeter les musulmans à la mer? Ou est-ce que vous allez prendre quelqu'un de droite ou macroniste qui va vous dire la liberté du marché, chacun pour soi, c'est comme ça qu'on s'en sort? Ou bien est-ce que vous prenez quelqu'un qui est dans la famille de tous ensemble? Et dans la famille de tous ensemble, celui qui est devant, c'est moi. Jean-Luc Mélenchon, merci. On a posé la question sur les réseaux sociaux, le temps de cette heure de discussion. Est-ce que vous êtes pour le SMIC à 1400 euros net? C'est une question qu'on a posée et c'est un oui à plus de 70%. Votre proposition est approuvée. Merci. C'est important que vous me disiez ça, parce que je sais bien que c'est un sondage dans un cadre, aller chez vous, etc. Sans doute que mes amis aussi, on peut se mobiliser. Mais une proposition pareille, ça veut dire que ça percute dans l'esprit des gens. Ils savent que c'est vital. Parce que dans les gens qui ont répondu, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y en a de tous les bords, et il n'y a pas d'idées. Mais s'ils font ça, d'idées précises pour le vote. S'ils disent ça, c'est qu'ils disent on n'en peut plus. Donc écoutez la voix du pays qui souffrent. Parce que, bien sûr, monsieur, vous avez raison de dire que, heureusement, les gens n'ont pas été abandonnés. Il y a toujours la sécurité sociale. Macron n'a pas réussi à la saccager, niveau copain. Il reste beaucoup de gens qui souffrent. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Merci de passer par les GG. Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière heure des GG, à tout de suite. Merci beaucoup à l'orchestre. Merci beaucoup, Corinna. En écoutant cette tension... dramatique, tellement concentré de ce premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven, m'est revenue en mémoire une anecdote, c'est que le jeune prodige Mendelssohn, hein, compositeur entre autres de la symphonie italienne ou de la marche nuptiale, donc ce jeune prodige était allé voir en 1830 le vieux Goethe et l'immense écrivain allemand, écoutant Mendelssohn lui faire découvrir au piano, hein, réduit au piano, le premier mouvement de cette cinquième symphonie, aurait déclaré « C'est très grand, c'est absolument fou, j'ai peur que ma maison s'écroule. » Et à un moment aussi, j'ai imaginé que tout allait s'écrouler, tellement la musique avait cette puissance, cette intensité. Mais je voudrais maintenant passer au second mouvement de la symphonie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une symphonie c'est en plusieurs mouvements. Chez Beethoven, à une exception près, toujours en quatre mouvements. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au fond, ce sont plusieurs moments différents d'un même élan créateur. Un petit peu comme un roman en plusieurs chapitres ou une pièce de théâtre en plusieurs actes. Chaque moment est différent, un peu comme dans notre vie. Nous traversons des moments différents, mais en même temps, ils forment un trajet unique. Et le second mouvement, traditionnellement, c'est plutôt un moment introspectif, c'est le moment de la détente, de l'émotion, du rêve. Et ça part très bien avec le magnifique premier thème, qui est si célèbre, avec son très bel unisson des violoncelles et des altos qui donne une sonorité si suave. Moi, je l'appelle le thème double crème. Thème merveilleux, mais tout de suite quelque chose me frappe. C'est que ce thème est quand même un thème qui n'est pas fait comme d'habitude. De toute façon, chez Beethoven, rien n'est jamais fait comme d'habitude. En effet, le thème fait en tout 22 mesures, et seulement 8 nous ont permis d'entendre ce thème très mélodique joué par les violoncelles et les altos. Et après, nous avons eu 14 mesures, c'est long 14 mesures, d'une sorte de reprise en écho de la petite formule finale, comme quoi Beethoven aime toujours autant les petits motifs, les noyaux rythmiques, j'appelle ça. Vous savez, cette formule finale qui fait pam, pam, pam, pam. J'appelle ça une politesse, vous savez, comme on dit merci beaucoup. Et pendant 14 mesures, l'orchestre s'est échangé des merci beaucoup. On peut réécouter ces 14 mesures de politesse? Second thème que j'appelle le jumeau rebelle. Pourquoi le jumeau rebelle? Eh bien parce que il commence un peu de la même manière que le premier, avec ce rythme que vous venez d'entendre, pam, pam, pam, dans la douceur, clarinette et basson, sauf qu'il va s'exalter, prendre de la force et tout d'un coup éclater d'une manière presque guerrière, alors que l'autre était quand même très tranquille, très gentil, avec son double crème et ses formules de politesse. Celui-là, il se contient un peu au début et très vite, il éclate. Second thème du mouvement. Rien n'est jamais comme chez les autres compositeurs. On croit qu'on est dans un tranquille mouvement lent, qu'on va pouvoir se détendre, se mettre à rêver, et tout d'un coup, la tension est revenue. J'appelle ce second thème jumeau parce que c'est quand même le même rythme à l'origine, hein. Le premier thème, c'était... Alors là, on a eu... Même tonalité, un peu même genre, sauf que celui-ci s'exalte rapidement. Et à partir de maintenant, on va alterner dans le mouvement ces deux thèmes, ces deux jumeaux, comme j'ai dit. Sauf que celui que vous venez d'entendre, il intervient trois fois en tout. On l'entendra toujours avec ce même caractère, avec cette exaltation interne. Tandis que l'autre thème, à chaque fois qu'il revient, il donne lieu à une variation. Il évolue, il se modifie. Donc... Quand, après le jumeau rebelle, nous allons réécouter le premier thème, celui que j'appelle le thème double crème, eh bien, il n'est déjà plus tout à fait le même. Au lieu de faire entendre... Beethoven le transforme en un flux de double croche tout à fait égal. C'est le même thème, mais pas tout à fait. Plus loin, encore plus rapide, le thème, au lieu de faire, se met à faire des triples croches, donc deux fois plus rapide que des doubles croches. Et ces doubles croches, pour moi, c'est comme un ruisseau qui naît d'abord au violoncelle et aux altos, comme d'habitude, et puis il se répand dans l'orchestre, il est repris par les violons, le ruisseau devient comme une rivière, et puis... Petit à petit, il réveille tout l'orchestre, il devient plus tempétueux, la rivière va encore grossir, ça deviendra un véritable torrent au moment où il sera repris par les basses de l'orchestre. La dernière intervention du second thème, celui que j'appelle le jumeau rebelle, et une nouvelle variation, cette fois-ci le thème en mineur. Alors oui, le mode mineur, on vous a peut-être dit toujours ou appris que c'était le mode de la tristesse, parce que sa tierce est un peu plus petite, ça peut donner une impression de tristesse, mais là, à cause de son écriture rythmique et de son orchestration, c'est un mineur, mais pas du tout un mineur triste, non, c'est un mineur assez joyeux. Vous en souviendrez, hein ? La prochaine fois que quelqu'un dans votre entourage dit « Ah oui, le mineur, c'est quand c'est triste », vous lui répondrez « Ah non !» Pas dans la variation mineure du thème double crème du second mouvement de la 5e symphonie de Beethoven. Vous y penserez, merci. Et dernière variation, le moment du retour du majeur avec le plein orchestre, je l'appelle la variation soleil. Thank you. je vous dise un petit mot de la coda, car il y aura une coda, et comme vous l'avez compris chez les tomes, la coda, c'est important. J'ai l'impression que c'est le moment où tous les instruments viennent nous dire au revoir les uns après les autres. Toujours ce petit motif rythmique qui intéresse tant Beethoven, hein, pam, pam, pam. C'est comme s'il nous disait au revoir, alors d'abord le basson, et puis des petites appoggiatures du hautbois, et puis ce moment magnifique avec un très bel accord des cordes, et les clarinettes et les bassons qui font... Second violon, au revoir, les basses, au revoir, au revoir, au revoir. Et une dernière fois, là encore, Beethoven ne peut pas s'empêcher, alors que tout allait bien, que tout allait se terminer dans la douceur, un dernier crescendo d'orchestre pour faire un dernier petit coup de théâtre, et tout se termine dans la douceur. Nous allons écouter maintenant d'un bout à l'autre ce second mouvement avec ses merveilleuses variations sur notre thème double crème, alterné avec le jumeau rebelle, et considérez bien que, au-delà de la technique, au-delà de tout ce que je viens de vous montrer, il y a comme le déroulé d'un chemin intérieur. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Au fond, ce thème initial, Beethoven s'en saisit et nous dit, en quelque sorte, je vais vous en montrer tous les développements, tout le potentiel, toute sa richesse, comme si on suivait pas à pas le chemin de vie d'un être humain. Second mouvement de la 5e symphonie. Thank you. La revue de presse. Le pass sanitaire prolongé jusqu'en juillet 2022, malgré les critiques. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, Burger King, nouveau roi du fast-food à Remiremont. In French, please. In French. Cancer du sein. Les antitranspirants de nouveau en accusation. Monique était dans la manif d'octobre 1961. Deux points, ouvrons les guillemets, c'est elle qui parle. C'était un massacre effrayant. Effrayant. Maurice Papon perd son procès en diffamation. En juillet 1998, l'année de son procès à Bordeaux pour complicité de crime contre l'humanité, Maurice Papon porte plainte pour diffamation contre le chercheur Jean-Luc Enaudi qui a écrit dans Le Monde « En octobre 1961, il y eut à Paris un massacre perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. Présent à l'audience, l'ancien préfet de police de Paris fait témoigner en sa faveur l'ancien Premier ministre Pierre Messmer. Le 26 mars 1999, il est débouté de sa plainte et le chercheur relaxé au bénéfice de la bonne foi. 12 000, c'est le nombre d'Algériens arrêtés et regroupés dans des conditions effroyables au Palais des Sports et dans deux autres centres le 17 octobre 1961. Certains y sont morts. Alors Maurice Papon, ça a dû lui rappeler sa jeunesse, hein ? Oui. Sa jeunesse. Bon, il y en a qui n'ont jamais été jeunes. Hein. Ils ont sauté directement à la vieillesse. Le RSA, un revenu solidaire. Plus de 2 millions de personnes sans ressources bénéficient du revenu de solidarité active, dit RSA, en France. À quelles conditions peut-on percevoir cette allocation? Quel est son montant? Oui, c'est brillant. Alors, ça prend, donc le RSA, ça prend la moitié de la page, et l'autre moitié de la page, eh bien, c'est la bourse. La bourse, le CAC 40, Dow Jones, DAX 30, Eurostox, FTSE 100, Nasdaq, New York, Nikkei 225, Tokyo, voilà, la bourse. Alors, qu'est-ce qui vaut la peine d'être noté? Ben, Société Générale, par exemple, si vous aviez des actions Société Générale, elles ont augmenté de 69,13% depuis le début de l'année. Alors, Sartorius, Stead Bio, là, ça a augmenté de 60,65%. Saint-Gobain, ça a augmenté de 64,27%. Et ensuite, Renault, moins 7,12%. Ensuite, Eramé, et E-R-A-M-E-T, je ne sais pas ce que c'est, plus 94,20%. Les actions ont presque doublé. Hein. Eurofina, scientifique, 58,15% d'augmentation. Hermès, 46,60%. DBV Technologie, plus 114,48%. Voilà. Bolloré, plus 53,46%. ArcelorMittal, plus 46,64%. Aperam, plus 44%. Et Airbus, plus 27,98%. Mais bon, l'action Airbus, elle ne vaut quand même que... Ah ben, elle vaut quand même 114,90€, hein, oui. Bon, ben voilà, si vous avez besoin d'investir, si vous avez de l'argent de côté, vous savez pas quoi en faire, ben voilà, des possibilités d'utilisation, hein, investir. Alors évidemment, la bourse, c'est aussi une loterie, parce que par moment, ça monte, puis tout d'un coup, ça dégringole. Alors, Vittel, Nestlé Water, les Water, s'engage à réduire ses prélèvements dans la nappe GTI. Oh, c'est quoi, c'est codé, ça, c'est un message de Londres, vous savez, les bip bip bip. Nestlé Water s'engage à réduire ses prélèvements dans la nappe GTI. Bon, eh bien on est informé. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, bras de fer entre un agriculteur et la Comcom. J'irai jusqu'au bout. Dans les tuyaux de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, depuis des années, le projet de zone d'activité économique des Grands Prés à Vanier est toujours en stand-by. Stand-by, what is it, stand-by? Was ist das? Hein? Standby. In Französisch, bitte. Le bras de fer continue entre l'intercommunalité et un agriculteur qui exploite le terrain depuis 30 ans. Oui, un terrain agricole, parfaitement agricole, et qu'on va transformer en friche industrielle bientôt. Hein? Oui, oh, on est bien gouverné. Mais oui, mais on est gouverné par des gens qu'on a élus. C'est nous qui les avons élus. Enfin, vous, parce que moi je vote autrement depuis 50 ans quand même. Mélenchon chasse chez les écolos. Ah, ça c'est le titre de Vosges Matin du lundi 18 octobre 2021. Présidentielle 2022. Pour lancer sa troisième campagne, Jean-Luc Mélenchon veut transformer LFI, c'est-à-dire la France Insoumise, en Union Populaire. Un message qu'il a adressé dimanche aux jeunes et aux abstentionnistes. Deux viviers d'électeurs. Sa cible, Yannick Jadot, candidat, selon lui, d'une écologie pro-européenne libérale. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, a-t-il dit. Eh oui, il a le sens de l'humour, Jean-Luc. Eh oui, il a du bon sens. Il a le sens de l'humour. Très important, ça. Eh oui, c'est pas le cas de Macron. Oh là là, faut pas mélanger. Ça termine par Owen dans les deux cas, mais c'est l'union à la base, puisque l'union au sommet n'est pas possible, compte tenu de tous ceux qui n'en ont pas voulu quand il était temps, et qui n'en veulent toujours pas du fait des contradictions de programme. Oui, il y a ceux qui ont un programme, et ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui ont un programme qui est élaboré, qui a été élaboré par un nombre de personnes importantes, de façon démocratique, et puis ceux qui ont un programme qui était bricolé dans une arrière-boutique de parti politique, voilà, derrière la banque. Peut-il justement élargir sa base dans cette gauche qui plafonne à 30%? Jean-Luc Mélenchon cible les jeunes et de façon plus générale les abstentionnistes, saluant au passage le courage des gilets jaunes. Voilà, eh ben les sondages de l'Élysée. Au bas de la page, deuxième partie de la page, sondage de l'Élysée, la Sarkozy à la barre. Près de dix ans, après la fin du quinquennat Sarkozy, l'ancien bras droit du président Claude Guéant, l'ex-conseiller occulte Patrick Buisson et trois autres personnes sont jugées à partir de ce lundi dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Oui, alors je viens d'apprendre que c'est remis à plus tard. Hein? À plus tard, oui, parce que Sarkozy refuse de comparaître et il y a les partis civils ont demandé que Sarkozy comparaisse. Eh oui, alors donc le jugement est remis à un peu plus tard. L'affaire a jeté la lumière sur les multiples sondages payés par l'Élysée, des dépenses chiffrées à 7,5 millions d'euros réalisées à l'absence de publicité et d'appels d'offres. Patrick Buisson est en outre soupçonné de détournement de fonds publics. Rémunéré 10 000 euros par mois pour une mission de conseil, etc., etc. Voilà, des gens bien. Ah oui, il faut voter pour des gens comme ça. Hein. Ah oui, il faut voter pour ces gens-là. Oui, mais les Allemands, ils ont bien voté pour Adolf Hitler en 1933. Pourquoi les Français, ils ne seraient pas aussi cons que les Allemands de 1933? Pourquoi donc? Pourquoi ils seraient moins cons? Hein? Allons. Y a-t-il une différence entre la mentalité allemande et la mentalité française? Mais non, pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est une question de circonstance, c'est tout. Voilà. Carburant, inflation, la vie plus chère à la campagne. Les Français ne sont pas tous égaux devant les hausses de prix. L'inflation est davantage ressentie dans les zones rurales à cause de l'importance de la voiture et de la flambée du coût des carburants. Avec un gazole à plus de 1,50€ et un SP, sans plomb peut-être, à 1,62€. Eh oui, voilà. Cyril Hanouna en croisade pour que la France vote. Bon, ben Cyril Hanouna, oui, bon. Cyril Hanouna. Abstention, piège à con aussi, dit-il. Eh oui, élection piège à con, mais abstention, piège à con aussi, dit Cyril Hanouna. Ils ont voté à droite, à gauche, de toutes les façons, et ça n'a rien changé. Ils sont toujours dans la même détresse. Qui ça? Les Français. Je veux absolument inciter les jeunes qui me regardent et les moins jeunes à aller voter. Vous connaissez l'adage, élection piège à con, c'est sûr, rire. Mais je dirais aussi, abstention piège à con, aussi. Chaque voix compte à l'arrivée. Eh oui, je disais tout à l'heure que les Allemands avaient voté pour Adolf Hitler en 1933, ce qui nous a valu, à eux et à nous, une deuxième guerre mondiale qui a fait entre 65 et 70 millions de morts. Hein, ah oui, un bulletin de vote, ça peut tuer du monde. Un bulletin de vote, un petit rectangle de papier. Eh oui, si on réfléchit pas suffisamment, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Si les Français avaient voté moins con depuis 50 ans, il y aurait beaucoup moins de chômage. Beaucoup moins de chômage, beaucoup moins de misère dans ce beau pays. Beaucoup moins de chômage et beaucoup moins de misère dans ce pays de France. Hein, où les électeurs ont voté. Voilà. voilà. Ensuite. Isabelle Dessau, première femme à la tête de la brigade, communauté de brigade. communauté de brigade de Remiremont, le Val d'Ajol et Éloie. Ensuite, le CFA de Gérardmer dans les petits papiers des apprentis. Bon. les papeteries Clairefontaine multiplient les démarches pour former et embaucher. Eh oui, les industriels, les artisans, les commerçants, etc., il manque de main-d'œuvre, mais pas n'importe quelle main-d'œuvre. Il leur faut des apprentis. Eh oui, des apprentis. Pas des employés avec un vrai salaire. Non, des apprentis. Tiens, l'avenir. L'avenir, eh bien, là, il y a une photo d'un couple, un monsieur, une dame, un papa, une maman, et qui tiennent dans leurs bras un petit garçon. Un petit garçon qui n'a même pas un mois. Et qui a un regard, je ne vous dis que ça. Il a l'air décidé et très intelligent, ce petit garçon. Alors, je serai Macron, je me méfierai. parce que le petit garçon, il va peut-être lui prendre sa place. Hein? Eh oui, parce que lui, il est décidé et intelligent, ce petit garçon-là. Ouais. Zemmour-Le Pen, dialogue de sourds. Alors, faut dire Le Pen-Zemmour. Dialogue de sourds. Pourquoi donc? Ben parce que ça rime. Ensuite, les antipasses sanitaires reprennent un peu de couleur. À Épinal, 250 citoyens ont défilé à l'occasion de la manifestation antipasses sanitaires, 14e du nom, un nombre plus élevé que la semaine passée en raison de soutien venu des départements voisins. De nombreux gendarmes et policiers ont interdit l'entrée de l'hyper-centre aux manifestants. Alors, de nombreux gendarmes et policiers ont interdit l'entrée de l'hypercentre aux manifestants. Et pendant ce temps-là, les voleurs, les vendeurs de drogue, les escrocs, les délinquants en tout genre, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont tranquilles. Et quand on met les gendarmes, les policiers pour surveiller les manifestants, pendant ce temps-là, les délinquants, ils sont tranquilles. Eh oui, tranquilles les délinquants. Ensuite, voilà, cela fait 70 ans que 59 gamins sont violés par des curés chaque semaine. Et ça passe. Personne ne parle de séparatisme ou autre sornette, là. Si n'importe quelle secte avait fait le millième de ça, elle serait dissoute et ses dirigeants en prison. Et Zemmour, point d'interrogation. Jean-Luc Mélenchon, je ne plaisante pas, je vais être élu. Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle veut tout changer pour survivre et vivre mieux. Il revient sur son débat avec Éric Zemmour, précise son programme éducatif et analyse les chances de la gauche. Vous avez affronté Éric Zemmour, alors, lors d'un débat télévisé très suivi, vous souhaitez, selon les mots de votre directeur de campagne, dégonfler la baudruche. Avez-vous le sentiment d'avoir atteint votre but? Certains vous accusent, au contraire, d'avoir alimenté le phénomène. C'est injuste, il fallait faire cesser l'impression ressentie à la base d'une sorte de consensus raciste de la scène politique. Des millions de gens dans ce pays sont ou ont des proches de confession musulmane. Ils vivent avec une très grande anxiété et comme une blessure le discours raciste et anti-musulman devenu médiatiquement dominant. Nous sommes si peu à résister. Nous nous sentons le dos au mur. À l'Assemblée, nous avons été les seuls à nous opposer à la loi séparatisme. Seul à ne pas aller manifester avec les faux policiers, avec les policiers factieux, sans nous qui donnerait ce signal. Vous n'êtes quand même pas si seul à lui résister. Ah bon? Il y a ceux qui se taisent, ceux qui n'ont rien dit quand nous avons été traités d'islamo-gauchistes, pensant que ça allait nous disqualifier, et ceux qui font des concessions. J'entends Arnaud Montebourg dire que la peur du grand remplacement est compréhensible. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, quelle pitié, quelle pitié. Oh là là, le peuple français, il faut qu'il fasse des progrès quand même. Gérard Miller, ça au moins c'est sûr. Gérard Miller, question style. Mélenchon prenant la parole à Reims, ça a une autre gueule que les exhalaisons de Zemmour, les éruptations de Le Pen, les fanfaronnades de Macron ou les palinodies de Bertrand. Autre chose, la télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Signé Pierre Bourdieu.